Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans De la manette au débat, une émission qui vous est présentée par la chaîne Causons Pixel, enfin le site Causons Pixel qui a pour but de réfléchir sur l'industrie vidéoludique, les œuvres en elles-mêmes, bref, le jeu vidéo mais aussi avec un peu de cinéma. Et aujourd'hui, sur ce DLMAD spécial confinement, on retrouve Tiffen. Salut à tous. Vincent. Hello. Et Victor. Kikou. Et Florian. Yo. Alors, d'habitude, de la manette au débat, bah, on se retrouve in real life pour débattre, mais au vu du Covid-19, on n'avait pas beaucoup envie de mourir, donc on a décidé de faire un DLMAD via Discord, et de remettre aussi à plus tard les gros sujets qu'on avait prévus pour DLMAD, parce que se voir en vrai pour un débat, eh bien, la conversation passe totalement différemment, et donc... On remet ça à plus tard. Avant toute chose, on va faire un petit tour des sorties qu'il y a eu là sur Causons Pixel. Alors, on a eu une vidéo sur Zack Snyder et la symbolique, dans laquelle on étudie eh bien, l'iconographie de Snyder, comment celui-ci symbolise. Et pour faire ça, on retourne sur son film Batman v Superman, qui est l'un des films où il symbolise le plus des personnages, entre la crucifixion ou le monstre de cinéma. Bref, c'est un film assez riche au niveau de l'iconographie. On a aussi eu l'article et la vidéo Marilyn Manson, le gothique à l'exécution de l'Amérique, sur laquelle on revient sur le style de Marilyn Manson, le gothique selon Teresa Godu, sur ses textes, comment il provoque, pourquoi il provoque, pourquoi il choque, dans quel mythe s'inscrit Manson et qu'est-ce qu'il combat. Parce que ce qu'on voit, c'est le gothique, donc selon Teresa Godu, c'est-à-dire le gothique en tant que dévoilement du refoulement de l'histoire, de ce que l'histoire refoule. Donc aussi, on fait, principalement dans l'article, un petit tour, évidemment, encore une fois, par René Girard. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais maintenant, les autres le sauront, mais il y aura aussi un article qui va sortir, qui est pour le vidéoludographe, dans lequel on réfléchit sur le jeu vidéo en tant qu'art, mais pas seulement aussi, pourquoi pas réfléchir à une nouvelle appellation du jeu vidéo et voir aussi pourquoi on cherche à le reconnaître en tant qu'art, dans quel mythe s'inscrit le fait de vouloir à chaque fois mettre le jeu vidéo en tant qu'œuvre, en tant qu'art. Il y a aussi un article qui, lui, est sorti, qui est le retour du regard volé, dans lequel on pose les enjeux du regard dans le jeu vidéo par rapport aux autres arts tels que le cinéma. Et une dernière chose, c'est que pour le retour du regard volé, l'article pour le vidéoludographe, on passe par le théoricien du cinéma, pardon, Münsterberg, qui date des années 1900, mais vous allez voir ce qu'il dit sur le cinéma est assez intéressant et on peut en faire un parallèle avec le jeu vidéo. Ouh, c'était long, mais c'était bon. Pas osé, mais GG. Bah voilà, pour ce spécial confinement, en fait, on a décidé de faire un peu léger. Un peu plus détente, plus qu'on va passer... alors, on ne va pas passer en revue de manière très exhaustive l'actualité, mais on va voir l'actu, les séries, les films qu'on se voit, les jeux vidéo qu'on se fait ou qu'on s'est fait pendant ce confinement, les livres aussi qu'on s'est lus ou qu'on est en train de lire pendant ce confinement, et on va en prendre à chaque fois une ou deux œuvres ou une ou deux actualités qu'on va traiter ou qu'on va discuter. Je vais ouvrir le bal dans ce cas. Alors moi, en actu, puisqu'on commence par ça, j'aimerais plutôt revenir sur la vidéo de Game Next Door. Je ne sais pas si vous l'avez vue la dernière. Sur Death Stranding. Yes. Ouais. Ah, bon. Ouais. Mais en fait, ce qu'il dit sur... Tu l'as vu, Vincent? Bah non, du coup, parce que j'attends de faire le jeu. Ouais, ne la regarde pas, alors. Ne regarde aucune bande-annonce, parce que c'est... Ouais. Les bandes-annonces de Kojima te spoilent à mort. De manière générale, j'en regarde plus. Mais... Bah, du coup, j'ai essayé d'en parler, mais sans trop en parler. Mais en fait, la vidéo est vachement intéressante parce que Death Stranding, en fait, c'est un jeu qui, pour moi, les premières heures, a méga bien marché. Toute cette ambiance fin du monde, la solitude, etc. Mais sur le milieu du jeu, le jeu m'a ennuyé au possible, à tel point que c'était devenu un peu comme la fin de FF15 pour moi, c'est-à-dire qu'il fallait que je le termine parce que ça me saoulait, et que si je le terminais pas maintenant, bah, je l'aurais pas terminé. Les dernières heures, par contre, ont été excellentes, mais vraiment, c'était, j'étais là, je me disais, c'est du grand jeu. Malheureusement, il y a plus de 40 heures d'ennui, à mon sens. Et ce qui est intéressant par rapport à la vidéo de Game Next Door, c'est que tout ce qu'il dit, je suis complètement d'accord avec lui sur les idées de game design, sur Kojima, etc. La question, c'est est-ce que ça en fait pour autant un grand jeu, même si ton parti pris est osé. Son parti pris est osé, mais après, on a 40 heures d'ennui et c'est mal écrit aussi. C'est très, très mal écrit. Après, alors, je me permets, j'ai pas fait le jeu. moi, ça m'a l'air d'être un jeu de contemplation, en fait. Est-ce que tu ne t'es pas ennuyé parce que tu ne t'attendais soit pas à autre chose, en fait, donc que tu n'as pas trouvé, ou bien parce que le concept même du jeu n'était tout simplement pas fait pour toi? Ah non, non, non, j'aime bien les jeux contemplatifs. Enfin, je suis un type qui a overkiffé Flower. Qui est juste contemplatif. Après, c'est une expérience courte aussi, Flower, faut dire. Bah, c'est ce qu'on disait sur la difficulté. Est-ce qu'un jeu trop facile n'est pas mieux sur une courte durée plutôt que sur une longue durée? Et moi, la contemplation, au contraire, j'ai adoré ça. Franchement, il y a des fois, je courais même pas, je faisais juste que marcher dans la pampa pour aller livrer des trucs. Mais il y a la routine qui s'inscrit, et c'est pas une routine où on souffre avec le personnage, c'est une routine juste où on avance. Alors peut-être que c'est une intention. Mais moi, m'a dérangé dans le mauvais sens du terme, surtout qu'à un moment, le jeu se saborde lui-même. D'accord. Et en plus, alors bon, je vais pas trop dire pourquoi, parce que pour pas toi te dire cet élément-là, même si c'est pas vraiment une surprise, mais bon, soit. Mais aussi parce que, il est... Franchement, il y a des lignes de dialogue qui sont assez calamiteuses, vraiment. Ouais. Et dans certaines cinématiques, s'il y a un vrai brio de la mise en scène, de faire des plans séquences et tout, mais il y en a certaines qui sont juste du champ contre champ, ou alors c'est juste pour montrer le réalisateur de Drive qui est très content de se montrer face caméra. Et c'est vraiment très très lourd. D'accord. Bah, après, moi, je trouve ta question un peu délicate, un peu fallacieuse. Enfin, ça sous-entend qu'à partir du moment où tu as un parti pris un peu osé, c'est forcément une grande œuvre ou du grand art. Mais justement, ma question, c'est de soulever, est-ce que si tu as un parti osé, ça en fait forcément une grande œuvre? Oui, voilà, justement. Et c'est en ça que je trouve ça un peu fallacieux de le dire. Pas du tout. Enfin, je veux dire, et ça paraît assez naturel de dire non. Pas parce que tu as un parti pris marqué ou quelque chose d'assez unique que ça en fait une grande œuvre. Tout dépendra de la réception et de si les gens l'ont reçu, ont mis du sens ou non. Enfin, tu vois. Donc, c'est pas parce que Kojima a voulu faire un jeu où tu te contentes de marcher en livrant des caisses que ça en fait forcément une grande œuvre. Et en plus. Parce qu'en fait, moi, ce qui me dérange dans cette question-là, c'est que ça suppose le poids qu'il y a de l'auteur déjà. Comme on sait que là, c'est Kojima et que c'est une des grandes personnalités qui est le plus adulée dans le jeu vidéo. Sans sous-entendre que peu importe ce qu'il fait, ce sera génial. Et là, on en vient à la question de y a-t-il des auteurs ou qu'est-ce qu'un auteur, disait Michel Foucault dans sa conférence. Que l'auteur est un élément de discours, mais j'en en dis pas plus parce qu'il fait partie du triptyque qui arrivera après pour le Vidéoludographe, un article qui arrivera au mois de septembre. Mais c'est forcément ce que tu dis, ça soulève déjà ce que disait par exemple Michel Foucault dans sa conférence. C'est que l'auteur est un élément de discours dans lequel tu signales que ce que tu es en train de dire doit être pris dans une certaine position, en sachant qu'on dit auteur dans des milieux artistiques, etc. Mais là où je voulais en venir aussi, le jeu se saborde lui-même, c'est que Kojima a un gros aveu d'échec. Alors, pour ceux qui ont fait le jeu, si je vous dis Mads Mikkelsen, les phases avec Mads Mikkelsen sont pour moi un aveu d'échec. Surtout que Kojima, dans son spoil continu du jeu d'avant la sortie sur les réseaux sociaux, a dit à un moment « Oui, mais le jeu deviendra fun au bout de 20 heures. » Effectivement, effectivement, parce qu'au bout de 20 heures, on a les phases avec Mads Mikkelsen qui sont l'exact opposé de ce que nous propose le jeu. Et qui, en plus, ne sont pas super bien mises en scène. C'est du couloir. Et là, on fait t'aurais dû y aller à fond. Fais-nous fuir, tout simplement. Mets-nous dans la... Transforme ton truc en survival horror, soudainement, et là, on aura quelque chose. C'est ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment dommage dans ce jeu. Mais ça m'empêche pas, par contre, d'apprécier ce que vient de dire Game Next Door dedans, parce qu'il décrit avec justesse les éléments de Death Stranding qu'il reprend, etc., etc., des autres, des MGS, par exemple. Quelqu'un a une actu ou je passe direct à ma deuxième actu? Vas-y. Hein. Continue. Balance tes actus et on verra le reste. Hein. Alors moi, la deuxième, c'est... Déjà, les jeux qui sont repoussés, j'en ai rien à secouer, parce que si c'est pour éviter de mettre en danger les développeurs, bah franchement, je m'en fous que les jeux soient repoussés. On attendra, il n'y a pas de souci. De toute façon, il sortira un moment ou un autre. Mais l'un des trucs qui m'a interloqué, et je me demande si ça ne va pas mettre aussi JV Le Mag et Canard PC une nouvelle fois dans la panade, parce que Prestalis est au bord du dépôt de bilan. Alors je crois qu'on en avait parlé dans le DLMAD sur le journalisme de jeux vidéo. Prestalis, ce sont ceux qui distribuent les magazines dans le réseau national de kiosques, etc. Ils distribuent les journaux comme Le Monde Diplo. Donc Le Monde Diplo est dans la merde actuellement. JV Le Mag aussi et Canard PC. Et le problème, c'est que vu que Prestalis est au bord du dépôt de bilan, soit ils disparaissent et dans ce cas, ces journaux-là ne devront que se replier sur une version numérique, soit ils savent pas comment faire. Et déjà que la presse vidéoludique est dans la mouise, quand on voit que Gamekult a son premium et qu'ils savent très bien que dans le futur, ils vont être encore plus dans la merde. Et qu'ils ont fait une formule premium où la plupart du site est passé en premium pour essayer de survivre. Mais alors les journaux comme JV Le Mag ou encore Canard PC, la question que je me pose c'est ils vont faire comment? Parce qu'à mon avis le format numérique ne va pas tant réussir que ça, les maintenir. Ouais, je pense pas non plus. C'est un peu la merde pour la presse papier depuis que la société Merced a coulé début des années 2010, qui a causé du coup la fin de beaucoup, beaucoup de magazines, la majorité des magazines, ce qui fait qu'on se retrouvait à un moment donné en kiosque, avant le lancement de JV Le Mag en 2013, on se retrouvait en kiosque avec seulement Canard PC et Jeux Vidéo Magazine. Déjà là, ça avait été un coup dur. Et puis bon, il y a des magazines qui se sont montés, comme JV Le Mag, comme The Games et compagnie, qui s'est arrêté lui depuis. Ça a toujours été très dur parce que aujourd'hui, les gens accèdent aux informations sur Internet et n'ont plus besoin d'acheter des magazines papier pour cela. Les magazines sur Internet sont gratuits, à l'exception de Gamekult qui propose un premium pour son contenu de fond. Du coup, passer au numérique pour des magazines papier comme JV Le Mag, je pense pas que ça va marcher énormément non plus. Il y a une base d'aficionados qui va les suivre certainement, mais je veux dire, quitte à lire un magazine sur Internet, il faut que ce soit adapté à Internet. Je veux dire par là qu'à moins qu'ils revoient la formule complète de leur magazine pour l'adapter à une lecture sur Internet, ils peuvent pas en fait juste scanner des pages d'un magazine papier pour les foutre en ligne en fait. Ça sera pas agréable du tout, ça sera pas ergonomique. Et puis surtout, quitte à du coup à passer sur Internet, on veut de l'actu qui se renouvelle quotidiennement en fait, même heure par heure. Donc ça va être très compliqué pour eux, je pense aussi. Ouais, c'est dommage parce que le JV Le Mag, le Monde Diplo, ce sont d'excellents journaux, franchement. Allez les lire si vous voulez. Bon, évidemment, ils sont chacun dans deux domaines très différents, qui portent des analyses qui sont pertinentes et qui vont aussi au-delà d'un point de vue industriel, souvent, parce que JV Le Mag, tant ils aiment et forcément aussi les blockbusters qui sortent, mais ça ne les empêche pas de faire des articles de fond, des dossiers qui sont poussés, et de revenir aussi sur des anciens jeux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, leur rétrospective sur des jeux où... C'est Yann François, enfin, qui... Moi, cette chronique m'a marqué parce que l'un des journalistes, Yann François, lui, a cité plusieurs fois Roland Barthes, sémiologue français, dans ses articles. Donc, du coup, ça m'est resté en mémoire comme quoi c'est un bon magazine pour citer Roland Barthes. Bravo, but de confirmation. je l'assume. Ouais, pardon, excuse-moi. Non, pas de souci. Ça me rappelle aussi qu'il y a JV Le Mag avait tenté une application pour lire leur magazine depuis son portable ou depuis son smartphone ou sa tablette. J'avais acheté quelques numéros et en fait l'application est down et les numéros que j'ai achetés en ligne, je peux plus les lire en fait aujourd'hui. Et donc ça me fait me dire que quelque part en plus, je sais même pas s'ils ont vraiment cette possibilité de proposer un service de distribution en ligne qui soit décent, quoi, vu qu'ils n'ont pas réussi à maintenir cette application. Ils peuvent toujours le mettre au format e-pub numérique, après, tu sais, à lire sur tablette, là, comme... Oui, d'ailleurs, en info, le temps que j'y suis... Tu parles de numérique, là Vincent, JV Le Mag a fait pas mal de réductions sur des vieux magazines numériques sur leur site. Donc si vous connaissez pas le magazine, c'est le moment, foncez. Et en plus, il y a Sœur d'édition qui a rendu gratuitement pour la durée du confinement leur livre sur MGS 5 en format numérique. Vous pouvez le télécharger et vous l'aviez à vie, donc foncez si vous voulez découvrir ne serait-ce que les bouquins de Sœur d'édition. Moi c'est mon premier, je le lis petit à petit. Et donc allez-y quoi, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, mais j'avais fini, t'inquiète. Bah moi, j'ai fini. Ouais, alors, pardon. Côté actu, on a aussi alors une proposition de loi qui vient d'être votée en février. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça porte sur les enfants youtubeurs, influenceurs, e-sporteurs, etc., qui, en fait, encadrent enfin le travail des enfants sur Internet. Et donc, cette loi qui a été votée à la majorité, je crois, va permettre enfin une protection pour ces enfants-là, donc, c'est-à-dire encadrer les horaires, le temps de travail, encadrer aussi la rémunération, c'est-à-dire que la rémunération sera semblable à celle des enfants du spectacle, du cinéma, du théâtre, et sera versée en fait sur un compte bloqué, un compte de dépôt, qui sera accessible qu'à leur majorité. Donc ça évitera, en fait, ça empêchera les parents qui utilisent peut-être ces enfants voilà, dans un but de tirer, enfin de gagner de l'argent régulièrement, beaucoup d'argent tous les mois, voilà, de les exploiter. Et contrôle également la psychologie, l'état de santé de chaque enfant, chaque mineur, grâce à des entretiens voilà, par des professionnels de la médecine, pour s'assurer que l'enfant est bien capable de faire toutes ses heures d'enregistrement de vidéos, etc. Et voilà, donc ça, c'est une réelle avancée. Tout n'a pas encore été voté. Je crois qu'il y a encore des textes qui doivent être votés prochainement. Mais c'est déjà un grand pas. Et je crois que la France est la première à se lancer dans cette grande machine voilà, juridique au niveau du travail des enfants. Donc, au final, enfin, les enfants sont protégés sur YouTube. Oui, c'est ça. Par contre, la loi encourage vivement la collaboration des plateformes, comme YouTube. Mais sans leur collaboration, ce sera bien entendu compliqué. Je crois qu'on leur demande de mettre en avant les nouvelles consignes, je crois. Quand on ouvre un compte, je crois, avec des enfants, on leur demande d'être bien informé de toutes ces nouvelles lois, etc. Donc voilà, c'est faut que les plateformes collaborent aussi. Elles risquent, je crois, 75 000 euros d'amende si elles ne respectent pas les conditions. C'est dans leur intérêt. Je crois qu'il y a que YouTube et Snapchat pour l'instant qui ont voilà, accepté de collaborer. Les autres plateformes pour l'instant ne sont pas dans cette optique là. Moi, ça me fait me poser des questions sur la question de la rémunération, par exemple. Je vois pas trop comment ça peut être fait, une rémunération similaire à celle des gens du spectacle. La rémunération sur YouTube, par exemple, c'est quelque chose de très aléatoire. Il n'y a personne qui a les mêmes sommes. Ça dépend des pubs. Ça dépend aussi si on te fait des dons. Je vois pas trop comment est-ce qu'on peut vraiment encadrer la rémunération, en fait. Ouais. Oui. Cet argent-là doit être déclaré, en fait, comme n'importe quelle entreprise. Les parents ont l'obligation de déclarer ce que gagne la chaîne de leur enfant. Donc à partir de là, il y a un montant, je crois, minimum, où les parents vont être obligés de considérer ça comme du travail pour leurs enfants, et donc de passer devant une commission avec leur enfant pour voilà, pour que tout ça soit encadré. Donc ça va être contrôlé, en fait. Du moment qu'une chaîne gagne, rapporte de l'argent, et qu'il y a, je crois, tant de contenu par semaine, par jour, voilà, tout ça va être contrôlé maintenant. Et à partir du moment où la rémunération te vient de la plateforme sur laquelle tu fais ton travail, ok, ça me paraît possible. Mais si c'est de la rémunération sous forme de dons via Tipeee ou Patreon, c'est des dons, quoi, en fait. Donc, t'as pas à le déclarer, il me semble. Ils doivent être déclarés aux impôts, hein. Aussi. Même les dons. Donc, Ouais, ah d'accord, bon, ouais, je... d'accord, peut-être, ouais. Okay. Oui, parce que si, pour les avoir, enfin, il faut que tu sois déclaré entrepreneur, et donc si tu es auto-entrepreneur, tu dois, peu importe la somme que tu reçois, ça peut même être 5 euros, il faut que tu les déclares. Mais ça, on parle pour des petits youtubeurs, la plupart, c'est carrément des sociétés, hein. ils sont plus à 2000 euros par mois, la plupart. Neo et Swan, ouais. Ils gagnent je sais pas combien, et tu... Ouais, est-ce qu'il y a vraiment de l'argent qui leur ont été mis de côté? Bon, ça, je ne porte aucune accusation, bien entendu, c'est une question que je pose. Est-ce que, à leur majorité, ils pourront jouir de tout, je dis bien de tout ce qu'ils ont gagné jusqu'à présent? Et en fait, moi, je trouve ça, cette loi intéressante parce qu'on sait qu'il y a des dérives avec les enfants vidéastes et le fait qu'ils soient... dans le meilleur des cas, contrôler autant qu'ils le sont dans le cinéma, parce que je crois que Tiffen, tu l'avais développé dans le LMAD YouTube versus la télé, ou je sais plus lequel qui parle de YouTube. Dans le cinéma, les enfants sont très contrôlés, il y a tant d'heures de travail par jour qu'il ne faut absolument pas dépasser. Tu ne dois pas empiéter sur la santé, il y a des entretiens psychologiques, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Il y a des entretiens psychologiques, donc avec l'enfant, enfin pour que l'enfant se sente au mieux, et on lui pose la question, est-ce que tu sais dans quoi tu vas tourner, et lui expliquer exactement ce qu'il a à faire, est-ce que ça le dérange, etc. Moi, enfin, je trouve cette loi intéressante, et il était temps qu'on encadre enfin ça pour éviter toute dérive, parce qu'on sait très bien que ça peut dériver à n'importe quel moment. Et juste une grosse avancée aussi avec cette loi, c'est le droit à l'oubli pour ces enfants, qui vient d'être enfin adopté. Donc n'importe quel enfant pourra demander à être oublié, effacé de toutes ces plateformes s'il le souhaite. Ah, c'est bien ça. Ah, c'est bien ça. Et oui, ça par contre, ouais, c'est vraiment un point intéressant, parce qu'en grandissant, t'as peut-être pas envie que ce que t'enregistrais quand t'étais petit te poursuivre ad vita aeternam, et avec ce droit-là, tu obligerais la plateforme à supprimer toute vidéo qui comporte ton image et auquel tu ne veux pas. Donc au final, c'est du droit à l'image qui rentre encore un peu plus dans un cadre légiféré. Mmh, c'est ça, ouais. Autre chose ? Non, voilà, moi c'était tout pour moi, pour ça. Ouais, il y a eu quand c'était la semaine dernière, un long stream au sujet de à l'honneur de Nier, parce que c'est en fait les 10 ans bientôt, et a été annoncé, alors c'est encore très flou, on ne sait pas trop où c'est, si c'est un remaster, si c'est un remake. C'est un remaster, il me semble. Ouais, alors ils auraient parlé de version... Remaster, on fait le jeu dans son intégralité, on ne le passe pas simplement en HD. En fait, je suis en train de penser à si on a des auditeurs qui... C'est la différence entre un remaster et un remake. Le remake, tu repenses complètement le jeu, comme par exemple Final Fantasy VII Remake par rapport au jeu d'origine. Et un remaster, c'est tu reprends le même jeu, juste tu modernises en fait les graphismes. Ouais, c'est ça. Dans le cinéma, le remaster, ce serait passer un film du DVD au Blu-ray, du coup avec le caractère HD. Mmh. Là où un remake d'un film, on retourne le film avec des nouveaux acteurs et autres. Donc, on ne sait pas encore trop, hein, puisqu'ils ont parlé de... C'est quoi les termes de version d'expérience définitive ou améliorée? Enfin, bref. En tout cas, le premier Nier va ressortir sur PS4, a priori. Et bah, ce sera une très très bonne occasion pour faire ce jeu, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Si jamais vous avez apprécié Nier Automata, ça vaut vraiment le coup de faire le jeu qui le précède. Déjà, ça vous permettra de mettre du sens sur plein de petites choses qu'il y a dans Automata, et qui, si vous n'avez pas fait Nier, vous ne pouvez pas comprendre ces références-là, ou en tout cas la portée émotionnelle de certaines quêtes. Je pense notamment à la quête de Emile dans Automata. Si vous n'avez pas fait le premier Nier, ça vous est un peu obscur. De toute façon, c'est un jeu qui est aussi brillant qu'Automata, et le travail de Yoko Taro en général mérite attention et respect. Donc voilà, à surveiller ce remake / remaster, on ne sait pas encore de Nier. Parce que quand il est sorti à l'époque, il n'a pas eu de succès, ce jeu. Il est sorti un peu dans l'oubli, et j'espère qu'il aura une deuxième vie. Et maintenant que Automata a marché. Et en plus, les musiques sont de Keiichi Okabe aussi, toujours. Bien entendu. Bien entendu. Et de toute façon, il a fait un travail, mais pour Nier Automata, franchement, même si vous n'avez pas fait le jeu, alors il y a beaucoup de musique, mais franchement, surtout la chanson Weight of the World en version japonaise est magnifique. Vraiment, il a fait un travail de ouf, il a inventé des langues, parce que c'est une réflexion intéressante. C'est la chanteuse qui l'a... Pardon ? C'est la chanteuse ? C'est la chanteuse, ouais, qui a inventé la langue. Voilà, donc bon, au moins ils s'entourent des bons artistes. C'est que selon la langue, on a des sonorités différentes, on a d'autres façons de véhiculer une émotion. Et je crois que c'est un mélange entre le gaélique, parfois l'anglais, parfois le français. Des ouais. sonorités qui font penser à du gaélique, évidemment, ou du français ou de l'anglais. Et ça donne une ambiance très particulière, surtout que Nier Automata, c'est la fin du monde a eu lieu il y a plus de 1000 ans de ça, quelque chose comme ça. Et ça donne une espèce de mélancolie à chaque fois au chant, aux chansons. Je pense à la chanson qui nous accueille quand on arrive dans la cité en ruine, oui. qui est très douce. Et c'est vraiment une autre façon de voir cette fin du monde. Pour moi, Nier Automata est un haïku. Allez voir sachant la vidéo. Sachant que la grande base de la bande-son d'Automata vient de Nier, qui la bande-son de Nier, et là, pour le coup, est vraiment mélancolique. En fait, Taro Yoko a dit à Okabe, ton mot principal qui va orienter ta création musicale, c'est la mélancolie. Explore la mélancolie sous toutes les facettes. Là où Automata, il a été un petit peu plus libre. Et effectivement, des Nier, Imi Evans, ça a été chargé de créer une langue qui est censée représenter la mort du langage. C'est-à-dire, après l'extinction de l'espèce humaine, qu'est-ce qui pourrait rester de nos langages actuels. Et elle a bricolé une langue avec des bouts de langue, avec des mots pris un peu partout pour essayer de créer ce langage qui est assez unique. Enfin voilà quoi, c'est intéressant cette démarche parce que c'est vraiment Nier. En gros, c'est que restera-t-il après nous finalement. Donc voilà, surveillez ça. Je pense que ça va être à nouveau un grand moment à vivre. Et, il faudra le faire. Ça, c'est sûr. Vincent ou Flo, si tu as terminé, je ne sais pas. Ouais, moi j'ai encore 2-3 trucs, mais allez-y hein, si vous avez. Moi, je sais pas, des masses de sujets à aborder, en fait. Depuis le confinement, mes habitudes ont changé. Je me tenais au courant de l'actu dans les transports, et bon, là, j'ai plus trop l'occasion. Donc, ce que j'ai pu constater, effectivement, tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Florentin, c'est les reports d'énormément de jeux. Notamment, le dernier qui a fait pleurer les fans, c'est celui de The Last of Us 2. Du coup, à chaque fois, je suis curieux, je vais dans les commentaires parce que les gens disent... Et à chaque fois, je suis effaré. Les gens se plaignent, pleurent, nichent, que le truc est reporté, etc. Je pense que les gens, en fait, se rendent pas compte à chaque fois que... Déjà, en fait, avant l'annonce du report et des problèmes liés au corona, etc., on savait que l'équipe derrière The Last of Us 2, donc Naughty Dog, était en crunch. Et Le crunch, vite fait, c'est en gros faire plus de... Ça peut être plus de 60 heures par semaine pour des développeurs. Donc, c'est-à-dire ouais. ne pas rentrer chez soi, parfois. Ça peut aller jusque-là, et ça, pendant plusieurs semaines. Ce sont des conditions de travail très difficiles. Et ouais, le crunch, c'est pas que des céréales au chocolat, en fait. T'as le mec qui revient juste pour dire ça. Hip-hop. Et donc, ils étaient déjà en crunch. Et là, en fait, évidemment, avec les premiers au corona qui ont dû repenser la façon de travailler, bon, on a de la chance dans l'industrie du numérique, le travail, le télétravail, c'est quelque chose de plutôt facile à faire, on va dire, plus facile que dans d'autres secteurs. Donc, ils ont certainement dû lancer tous partir en télétravail, mais je veux dire déjà que c'est pas évident quand t'es à l'intérieur d'un studio, alors t'imagines un crunch depuis chez toi, et puis de toute façon non, enfin c'est juste pas possible quoi, ta femme elle te laisse pas, ta femme ou ton mari te laisse pas ne pas avoir de vie de famille alors même que t'es au sein du foyer. Donc en fait je trouve que cette décision du report tant mieux pour l'équipe. Et puis en plus de ça, je pense qu'il y a une question un petit peu économique. The Last of Us, s'il sortait aujourd'hui, bon, il y a toujours des boîtes, des entreprises, je sais pas si la Fnac, etc., en tout cas bon, Amazon par exemple livre toujours les commandes. Oui, d'ailleurs, tu fais bien de le souligner parce que c'est ouais. au détriment des employés, plus qu'il y a eu des témoignages de ces employés qui disent qu'ils travaillent avec la peur au ventre, donc ouais. arrêtez de commander chez Amazon, ne serait-ce que penser à ces employés-là qui touchent des colis H24, et on sait comment se refile le Covid-19, donc Ouais, mais non, mais du coup, même pour vous qui êtes livré, vous savez pas votre commande qui a été touchée par qui, comment, etc. Donc, voilà, moi, personnellement, j'ai annulé ma préco de FF7 Remake et je vais le prendre en version numérique. Bref, et donc, je sais pas comment ça, s'il y a toujours des boîtes autres qu'Amazon qui proposent des livraisons. Toujours est-il que c'est moins simple d'acheter une version physique aujourd'hui qu'il y a encore quelques semaines de ça. Donc, ça veut dire que le plus de recettes que tu vas faire, en immense majorité, ça va être en version numérique. Or, en France, on a de la chance, même si tout le monde n'a pas la fibre, on a quand même, pour la plupart, Internet et des connexions un minimum potable. Aux États-Unis, qui représentent vraiment le cœur du marché pour The Last of Us, puisque c'est de là-bas que vient le jeu et c'est le marché beaucoup plus important de toute façon aux États-Unis qu'en France, étant donné la population qu'il y a. Aux États-Unis, Internet, c'est une autre affaire qu'en France. Déjà, ça coûte extrêmement cher d'avoir une connexion Internet. Et puis, ils sont pas forcément dans tous les coins aussi bien lotis qu'on peut l'être ici. Donc, ça aurait été casse-gueule de sortir The Last of Us 2 pendant cette période de confinement, parce que vraiment toutes tes prévisions économiques sur les ventes du jeu, etc., qui a dû coûter une blinde à produire, et ben en fait t'es vraiment pas sûr de ce que ça va te rapporter. Après, étant donné l'actualité, il paraîtrait que les magasins vont pas réouvrir tout de suite. Est-ce que ça serait pas dangereux finalement d'attendre que tous les magasins ouvrent dans plusieurs mois pour sortir ton jeu? Et c'est à ce moment-là comment ils vont faire entre tous les AAA qui devaient sortir pendant la période de confinement qui ont été repoussés? Est-ce qu'ils vont tous les sortir en même temps, ce qui sera encore plus terrible peut-être? Ou alors est-ce qu'ils vont tous se mettre d'accord, ok, nous on sort ça ce mois-ci, nous on sort ça le mois prochain, etc. C'est une situation inédite, toujours est-il, et c'est un vrai casse-tête, toujours est-il que je pense qu'ils ont bien fait de reporter The Last of Us 2 et chez les autres éditeurs repousser les autres gros cartons qu'ils avaient en développement. Bah, je suis pas sûr. Pardon, vas-y Victor. Je suis pas sûr que ça. Enfin, du coup, je sais pas, mais là l'exemple auquel je pense en ce moment, c'est ce fameux Animal Crossing qui est sur tous les streams de jeux vidéo et qui me dit que je suis pas sûr que ce soit forcément pas rentable pour les développeurs de sortir les jeux maintenant avec le démat, parce qu'on peut voir que Animal Crossing c'est. Alors. Animal Crossing, d'une part, ça me semble moins risqué de le sortir aujourd'hui que The Last of Us, parce que c'est Animal Crossing, j'y ai jamais joué, mais typiquement, ça me semble être le jeu auquel t'as envie de jouer en période de confinement. Alors que The Last of Us, t'as peut-être envie de te changer les idées, tu vois, je sais pas. Et d'autre part, le poids du fichier The Last of Us et le poids du fichier Animal Crossing, il doit pas être le même. Je pense que même si t'as une connexion pourrie, Animal Crossing en 24 heures, de toute façon, tu l'as téléchargé sur ta Switch. The Last of Us, franchement. Attends, ça c'est si t'habites pas en Ardèche. Hein. Ouais, non, mais voilà. Parce que tu parlais des coins paumés des États-Unis, mais en France, on a certains coins aussi. La connexion internet, c'est 500K et ça s'arrête là. Lunaire. Ah non, mais voilà quoi. Aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé au problème des AAA du volume du fichier. Ouais. Mm-hmm. C'est sûr que ça aide pas. Et puis, juste pour rebondir, qui aurait cru que ce soit un virus qui risque de sonner le glas du matériel physique et aussi, sans doute, j'espère pas, mais c'est probable, des boutiques indépendantes, parce que ça va être très très compliqué. Ça va être dur. Ouais. J'ai commencé un petit peu à discuter avec le gérant d'une boutique là qui a sur Narbonne, et pour lui là c'est pas évident. Alors il envoie les jeux à la poste, il arrive à zoulouter un peu le système et à pouvoir délivrer les jeux essayer de délivrer les jeux plus ou moins en boutique. Enfin voilà quoi, il essaie de se démerder pour continuer à vendre un petit peu pour pouvoir payer ses factures, mais voilà, il risque d'y avoir pas mal de choses qui risquent de s'effondrer après cette crise. Ça, tu fais très bien de le dire. Alors du coup, normalement, c'est une vidéo qui doit sortir en septembre aussi. Mais je vais en profiter parce que je pense que c'est un petit peu le moment d'envoyer, de soutenir ces petites boutiques, ces indépendants, qui sont généralement dans les centres-villes, donc ils font partie du cœur du centre-ville, ils font vivre le centre-ville. Ce sont parfois, bon, parfois pas tous les gérants, évidemment, sont très aimables. Tu peux parler avec eux, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont tenus aux chiffres par le fait qu'il faut forcément payer son loyer et avoir à bouffer. Mais hormis ça, ils n'ont pas les obligations de te vendre toute la boutique. Ce qui fait que, bah, Flo, tu te rappelles, bah, nous, c'était Ultima à Montpellier. Ouais. On demandait un truc et ils nous renseignaient sur notre truc et ils cherchaient jamais à nous refourguer l'entièreté de la boutique. Enfin, à chaque fois, on avait été très bien reçus. Et pareil, je suis allé parler à, bah, justement à des petites boutiques et maintenant à la nouvelle boutique qui a ouvert à la place d'Ultima, d'ailleurs, qui est par l'un des deux anciens gérants. Mmh. Et ensuite, une petite boutique à Lunel aussi. Eh bien, en fait... Ouais, c'est la merde pour eux si ça s'arrête. Tous les petits commerces, ne serait-ce qu'une semaine d'arrêt, c'est la mort. Ils n'ont pas d'aide, ce n'est pas des multinationales qui sont en bourse, qui ont des milliards, etc. C'est des gars qui vivent de... Bon, ça fait un peu le mythe du petit gars qui essaye de survivre et tout, mais... Enfin, attendez d'acheter vos jeux, attendez que ces boutiques ouvrent, parce que vraiment, c'est la plupart de... Là-bas, déjà, vous allez trouver des... Si vous êtes un collectionneur, vous allez trouver des perles. Si vous n'êtes pas collectionneur, vous aurez peut-être parfois l'envie d'aller collectionner des vieux jeux. Mais achetez vos jeux. Là-bas, quand on parle du jeu vidéo, mais pour tout le reste, mais achetez vos jeux dans des petites boutiques. C'est parce qu'il ne faudrait pas qu'elles disparaissent. Alors, achetez vos jeux là-bas, oui et non, dans le sens où, par exemple, si tu achètes un jeu d'occasion, c'est de l'argent qui va à la boutique, mais qui ne va absolument pas ni à l'éditeur, ni au développeur. C'est pas. Enfin, moi, j'ai acheté énormément de jeux d'occasion. Je suis pas du tout contre cette pratique-là. C'est juste à signaler, à avoir en tête. Non, c'est tout ce que je voulais rajouter sur ta remarque. Par contre, ouais, aussi... mais enfin. Ouais. Après, je veux dire, acheter un jeu d'occasion, que ce soit dans une petite boutique ou dans une grande franchise comme Micromania, ça revient au même. Si tu achètes de l'occasion. Tu donnes ton argent à Micromania ou à un indépendant. Oui, non, mais bien sûr, l'un comme l'autre. Ça, c'est le problème du marché de l'occasion qui est un autre souci. Mais après, il y a des boutiques indépendantes qui ont les reins pour pouvoir vendre du neuf aussi. Ça, c'est souvent appréciable. Ouais. Moi, je sais que là, je suis en contact avec le vendeur parce que je lui ai précommandé Persona 5 Royal et je vais voir avec lui pour lui acheter et pour pouvoir. Pour essayer de le soutenir là, dans ce temps-là. Et d'ailleurs, si jamais vous appréciez une boutique en particulier, il y a une aide pour les auto-entrepreneurs. Normalement, ils peuvent recevoir une sorte de salaire de 1 500 euros, je crois, par mois ou quelque chose comme ça. L'équivalent du salaire au même mois l'année dernière, je crois que c'est ça. N'hésitez pas à leur envoyer les liens parce qu'on se dit, oui, ils sont là-dedans, donc ils le savent, mais il y en a certains, à mon avis, ils sont tellement à la tête dans le guidon qui n'ont peut-être pas idée d'aller chercher. Et je sais que pour une boutique en particulier, on a envoyé le lien et la personne n'était pas au courant. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire « Hey, il y a ça qui peut t'aider. » Si jamais ils n'y avaient pas pensé, ça pourra peut-être leur aider à franchir le cap. D'ailleurs, autant continuer jusqu'au bout. Si certains de nos auditeurs, je ne sais pas pourquoi pas lancer le truc, connaissent une petite boutique, mettez-la dans la description, dans les commentaires, avec le nom de la ville, histoire de faire connaître cette petite boutique, que d'autres personnes puissent aller découvrir et encourager dès que possible, ou quand il le peut, évidemment, le travail de cette personne. Ouais. Voilà, autre chose Ouais, moi j'ai un petit sujet et un autre sujet, à part que quelqu'un en dit d'autres. Heureusement qu'on a dit un ou deux, hein, mais c'est pas. Ouais, voilà. Non, c'est génial parce qu'au début de l'LMAD, Flo essayait toujours de filouter. Petit à petit, il s'est assagi. Ouais. Hein. Mais là, ça y est, confinement, les vieilles habitudes reviennent. Merci. Bah, le premier petit sujet, c'est un petit bonus. C'est voilà, nous pouvons espérer avec pas mal de certitude que notre idéo Dieu Kojima peut-être fera un jeu d'horreur un jour ou l'autre. Et ça m'enjoie beaucoup. Voilà. Rien n'a été annoncé, mais... Ouais... Vincent, je crois que tu avais quelque chose. Non. Non, bon, ben, on a terminé le point actuel, alors. Ouais, juste pour parler encore un tout petit peu cinéma, dans la même ligne que les jeux vidéo qui ne peuvent pas sortir peut-être à cause du confinement, ce sera la même chose pour le cinéma, bien entendu, où les sorties vont être repoussées et des tournages qui ne peuvent pas continuer, comme ceux qui attendent The Witcher, par exemple. La série a été stoppée, la production a été stoppée. Matrix, Avatar, Batman, etc. Tous les gros films qui devaient sortir ne sortiront peut-être pas tout de suite, voire peut-être pas du tout. La série Messia a même été annulée. C'est ça. Le Seigneur des Anneaux aussi, qui a arrêté sa production. Qu'est-ce que ça m'a fait penser? Les tournages arrêtés. Non, je suis désolé, j'allais rebondir sur ce que tu disais, Tiffany, et puis en fait, c'est parti aussitôt que c'est venu. Eh bien, si on a terminé le point actu, oh bah non, bah tiens, on va pouvoir commencer. On va faire la pause musicale après. Est-ce que certains d'entre vous ont des livres qui les ont interpellés ou qu'ils sont en train de se faire ou qu'ils ont fait et qu'ils aimeraient bien conseiller ou alors en parler? Absolument pas. dans ce cas, je vais commencer parce que moi j'en ai un, alors j'en ai même deux. Alors moi, en livre, ce que j'ai lu, c'est La domination masculine, donc, de Pierre Bourdieu, donc un livre de sociologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'analyse pas forcément comment s'est implantée la domination virile, pour utiliser le terme de Ghazalé. Pour ça, je vous renvoie dans ce cas plutôt vers le livre Le mythe de la virilité, dont on a déjà parlé. Mais il montre comment l'ordre masculin viril s'inscrit au plus profond des êtres dès la naissance, dès l'éducation, comment l'éducation, l'église et la famille inscrivent dans les corps les règles sociales et comment un être, même s'il veut lutter contre, finalement, il ne continuera de penser qu'avec l'ordre dans lequel il est né, l'ordre dominant dans lequel il est né. Et comment cet ordre s'inscrit, c'est-à-dire que il y a forcément les dominants qui le mettent parfois sciemment, parfois inconsciemment. Et il y a aussi les dominés qui s'y plient consciemment ou inconsciemment, qui reconnaissent leur caractère de dominé. Et ce que dit bien Bourdieu sur cet ordre-là, c'est que tout acte de connaissance envers un ordre est un acte de reconnaissance de cette domination-là. Et c'est là où il emploie un terme peut-être majeur en sociologie, faudra voir ce que dira Victor dessus, mais sur la violence symbolique. Ah oui. Et là, assez majeur, ouais. Et là, ça, ce principe-là est extrêmement intéressant, parce que ce qu'il montre dans la violence symbolique, c'est qu'elle s'inscrit donc par différents facteurs reproducteurs, comme l'école, comme l'éducation, comme le tout un chacun, même en parlant à droite à gauche. C'est-à-dire que tu reproduis la violence des dominants, même si tu es un dominé, etc., mais inconsciemment. Et que pourquoi ? Parce qu'au fond de toi, les règles sociales se sont inscrites dans tes corps, dans ta gestuelle, et que tu penses par et avec cette façon de penser-là. Et que juste en avoir conscience et se dire « Wesh, vas-y, je vais en sortir », non, tu penses déjà par lui. Alors, on peut lutter du mieux qu'on peut en réduisant, par exemple, les inégalités hommes-femmes, etc. Mais le truc, c'est que ça va être un très long processus. Et quelqu'un qui dit « Moi, je pense en dehors de ça », c'est faux parce que dans ta façon d'être, tu seras quand même inscrit dans l'ordre actuel, notamment par cette violence symbolique, mais peut-être que Victor pourra nous en dire un peu plus entre deux parties de Albion Online. Je crois que j'ai été snipé. Donc, voilà, et vraiment, c'est un livre que je vous recommande parce qu'apparemment, en plus, on a qualifié Bourdieu d'antiféministe. Non, c'est juste que son bouquin est très lucide sur les combats. Et il dit des trucs intéressants, c'est qu'il n'a jamais dit que le militantisme était ascientifique. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, de bonnes intentions ne font pas forcément de la bonne littérature. C'est marrant que tu dises qu'il était antiféministe, enfin, qu'il a été considéré comme antiféministe, ce livre, parce que... Lors de ma première année de socio, j'ai eu un cours sur le féminisme. Et quand nos profs ont quand même abordé le livre de Bourdieu, parce que ça reste un livre important, on sentait qu'elle n'aimait pas ce livre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que Bourdieu, alors il était dans la même veine que les Michel Foucault, les Roland Barthes, quoique Bourdieu est critique envers Foucault, même s'il semble quand même reconnaître le travail important que celui-ci a effectué. Mais c'est parce que, comme Foucault, comme Barthes, Bourdieu ne s'arrête absolument pas à la surface, il va vraiment au fond des choses, et si tu le lis, il y a un moment ou un autre, tu vas peut-être te dire, ouais, effectivement, là, il est en train de critiquer ça, il est en train, enfin, d'analyser ça et ça. Et si tu étais dans un caractère hyper militant, que tu avais tes certitudes, Bourdieu te les fracasse. Complètement. Ouais. Mais son travail est intéressant pour justement revoir au moins une partie des liens, des fibres qui tissent tout ce tissu social dans lequel nous sommes et que nous confirmons à chaque instant. Tissu social qui évolue forcément avec les mentalités en prenant conscience de certaines choses. C'est vraiment un livre que je vous recommande parce qu'il va vraiment au fond. Et si vous voulez comprendre une partie de notre société, c'est un livre vraiment à lire, à recommander. Mais peut-être avant de passer au deuxième livre, je vais peut-être vous laisser parler. Ouais, juste pour rester dans le sujet, aussi recommander Le Pouvoir de Naomi Alderman. Voilà, c'était mon deuxième livre. Tu as lu aussi, je crois. Oui, c'est vrai. Oh là là, le spoil, oh là là. Terrible. Vas-y, vas-y, continue. Voilà, en fait, c'est une fiction, par contre, mais qui présente un monde où, soudainement, les femmes prennent le pouvoir. Elles prennent le pouvoir grâce justement à une capacité qui se développe dans leur corps, où elles peuvent envoyer de l'électricité et électrocuter dans les cas les plus extrêmes, ou juste chatouiller un petit peu les personnes qu'elles touchent. Donc ça, soudainement, ça fait changer la vision qu'ont les hommes des femmes. Et des femmes des hommes. Elles parviennent à se défendre, et des femmes des hommes surtout, et elles parviennent enfin à se défendre dans les cas d'agression. Mais au cours du livre, dépasse en fait la simple défense et essaie de soumettre les hommes. Et on inverse la domination, ça devient un matriarcat. Et voilà, dans les différentes sphères, que ce soit la religion, la politique, elles prennent le pouvoir. Et elles prennent le pouvoir comme certains hommes peuvent le faire. C'est-à-dire pas de la meilleure manière. Et en plus, c'est intéressant parce que c'est un livre qui parle de la religion aussi, le point de vue masculin qu'on a de la religion, en ne prêtant attention qu'aux figures masculines des textes religieux et moins des femmes. Et donc, en fait, le livre opère tout un inversement vis-à-vis de ça. Et on sombre petit à petit dans en fait, l'exact inverse de ce que faisaient les hommes et ce que font encore des hommes aux femmes. Et c'est un livre qui est un moment qui a des passages qui sont vraiment très durs et qui prêtent à réflexion. Et en réflexion, alors ça c'est à la fin du livre, mais c'est pas un spoil, c'est une note de l'auteur. Et à un moment, elle utilise deux statuettes pour son bouquin, je vous dis pas pourquoi. Et elle dit, ce sont des statuettes qui existent réellement. Enfin, je me suis inspiré de statuettes qui existent réellement. Mais elle fait, mais regardez comment le point de vue masculin, à mon sens, peut se montrer. C'est-à-dire qu'il y a une statuette, on l'a appelée le roi de telle cité. Tandis que la statuette qui représentait une figure féminine était appelée la danseuse. Pourquoi un est roi et pourquoi l'autre est danseuse? Pourquoi c'est pas l'inverse? Comment dans le choix des appellations, tout ça s'inscrit? Et en plus, un livre qui est bien écrit, et il y a vraiment une montée en tension dedans jusqu'à la toute fin. Vraiment, vraiment, c'est Naomi Alderman. Je sais pas si tu l'avais dit, le nom de l'autrice. Oui, ouais, si. Ouais, bah, ouais. C'est moi qui ai eu un blanc comme ça. Pardon. L'affirmation aussi de cette domination se fait par la sexualité, par le renversement aussi. Bon, on ne peut pas trop en dire, mais ce pouvoir leur permet de renverser Et entre choses. Autres réflexions aussi, c'est pourquoi on devient violent quand on a ce genre de pouvoir? Parce qu'on peut. Et ça, c'est une réflexion qu'apporte le livre et qui est intéressante et qui est aussi flippante. Pourquoi certaines personnes font du mal à d'autres? Parce qu'elles le peuvent. Et là, on a toute une réflexion qui peut se faire. Autre chose, peut-être. Bah, pour ça, il faut l'avoir lu. Hein. Et ce n'est pas mon cas, malheureusement. Flo ou Vincent? Non, je ne l'ai pas lu. Non plus. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette génération, là? Moi, j'ai lu. Ah. Calmez-vous. J'ai lu le livre de l'éditeur dont on a parlé tout à l'heure. Le livre, c'est Sekiro. Enfin, il parle du jeu Sekiro. Et l'éditeur, c'est Sœur d'édition. Voilà, qui est paru il y a quelques mois de ça. Un bouquin que j'ai beaucoup apprécié. Alors, peut-être présenter un petit peu de manière générale ce que font Sœur. C'est un éditeur français qui est basé à Toulouse. Et alors, leur base, c'est le jeu vidéo, mais maintenant, petit à petit, ils s'étendent un peu en parlant de cinéma, de séries, de comics, de mangas. Enfin, ils essayent de toucher la pop culture un petit peu en général. Un bouquin de Third, généralement, il y a trois axes qui sont forts et chaque auteur se les approprie. Il y a toujours le premier axe, c'est celui qui revient sur le développement du jeu. Dans quel contexte, avoir des anecdotes, des inspirations plus ou moins directes pour la création du jeu ou de la série. Des fois, c'est des séries qui sont traitées. Le deuxième axe, c'est celui qui parle de l'univers. L'idée, c'est un petit peu de remettre en ordre l'histoire, de vraiment en parler en détail. Alors, je pense qu'il y a des séries où ça se justifie plus ou moins, mais par exemple, dans le livre sur Persona, où l'auteur fait l'effort de récapituler l'histoire des premiers Shinigami Tensei, puis de chaque Persona. Enfin voilà, suivant les séries, il y a une espèce de gros travail colossal qui est effectué de ce côté-là. Et après, le dernier axe, c'est là, ce qu'ils appellent décryptage, je crois. Ouais, c'est une partie analyse, où l'auteur choisit quelques thèmes qu'il développe, celui sur Sekiro, est largement destiné à la question de la difficulté. L'auteur revient sur la polémique par rapport à Sekiro, puisque beaucoup de gens se sont offusqués de la difficulté du jeu. Il y a pas un podcast qui en parle, facile. Ça, genre DLMAD, je sais plus. Alors, voilà, justement, il y a beaucoup de choses de ce qu'il dit. On était venus, nous aussi, aux mêmes conclusions par rapport à Sekiro, qui était tout simplement, il faut apprendre à jouer selon les règles de Sekiro. Il essaye de faire un inventaire qui se veut le plus objectif de voilà, ça c'est difficile, ça peut être une difficulté dans le jeu, ça non, et essayer d'avoir un regard un peu avec du recul sur les choses. Et finalement, il dégage, pareil, on était venu un peu à cette conclusion là, que finalement Sekiro fait là où il pourrait présenter une vraie difficulté, ce serait dans les réflexes qu'il te demande, mais on peut tempérer les réflexes avec un apprentissage par cœur jusqu'à un certain point, bien entendu. Mais après, le reste, si tu apprends les règles et que tu es curieux d'utiliser les outils que le jeu te met à ta disposition, tu t'en sors. Parce que là, ils citent les développeurs, ils ont dit on a pensé les prothèses et les autres outils pour qu'ils soient utilisés dans des situations spécifiques, pour qu'ils puissent vraiment aider dans des situations spécifiques. Et c'est aux joueurs d'expérimenter, de trouver la petite astuce qui va l'aider à s'en sortir. Et il y a la dernière partie m'a particulièrement marqué parce que il remet un peu Sekiro dans notre contexte actuel et il porte ce regard qui me semble assez juste, qui est actuellement quand on décide par exemple de se lancer regarder des séries. Il y a un peu ce fantasme, cet idéal de dire je dois regarder toutes les séries qui sortent. On doit tout voir, on doit tout accumuler. Ça, c'est très difficile puisque peu importe le domaine culturel dans lequel on est, hein, que ce soit cinéma, séries, musique, livres, il y a de plus en plus de productions d'année en année. Ça devient de plus en plus difficile de tenir la route à moins de pouvoir dédier tout son temps à ça. Et il dit Sekiro, et même les Souls en général, c'est des jeux qui sont à contre-courant parce que c'est un jeu qui te demande de prendre du temps. Te demande de prendre du temps d'apprendre le jeu, te demande de prendre du temps à échouer pour recommencer. Et si jamais tu es dans ce mouvement-là, par exemple dans le jeu vidéo, de te dire je veux suivre l'actualité, ne serait-ce que suivre l'actualité, Sekiro, tu ne peux lui accorder que, je ne sais pas, 2 semaines, voire 3, avant qu'un prochain jeu sorte, t'intéresse et y aller. Et Sekiro, il te dit non, mon gars, si tu veux jouer, si tu veux ne serait-ce qu'avancer, il va falloir que tu avances à ton rythme. Et si en plus tu veux mettre du lien par rapport à l'histoire, par rapport à l'univers que je te raconte, ça va te demander de t'investir, de te perdre dans le jeu, de faire les connexions que je ne fais pas à ta place. Et ce passage-là m'a intéressé parce que tu te dis que peut-être que Sekiro pourrait faire... vivre cette expérience-là, de dire j'arrête d'être dans le tout de suite, le tout de suite, et m'apprendre justement à prendre le temps. Voilà, là j'ai acheté ce jeu-là, neuf par exemple, j'y joue le temps qu'il me faudra, pour le faire. Et si ça en prend 2 mois, ça en prend 2 mois, c'est pas grave. Mais voilà, ça aura été 2 mois où à la fin, j'ai vécu une bonne expérience et c'est quelque chose que je vais me souvenir pour plus tard. Et ouais, cette partie-là est intéressante à lire. Enfin, de toute façon, le bouquin en général s'inscrit dans les bouquins qui le précèdent, qui traitaient déjà des 3 épisodes des Dark Souls et de Bloodborne. C'est pas le même auteur, mais il y a quand même une continuité dans les écrits. Et en voilà. Tout cas, c'est bien. Et en plus, ouais, non, juste pour terminer, et en plus, sur d'édition, ils ont l'amour de l'objet. Enfin, ils font en sorte d'avoir des beaux livres. Oui, oui, ça. Par contre, c'est vrai que leurs illustrations sont magnifiques. Voilà, ils prêtent attention à avoir des belles couvertures, à avoir un papier quand même de bonne qualité. Donc, acheter un livre chez Sorts, c'est aussi acheter un beau livre. Et si jamais vous avez envie de, vous avez cet amour de l'objet, c'est aussi très agréable. Mais c'est bien en tout cas d'avoir donné un très très gros indice sur un cycle de Causon Pixel qui sortira à partir du 6 mai. Voilà. voilà, alors d'autres lectures. Oui, pardon, pour revenir sur les bouquins de Sird, on a aussi le journaliste, ancien journaliste de Gamekult, Exerve, qui a écrit un livre sur The Witcher, qui a aussi une couverture qui est magnifique. Et The Witcher, qui a d'ailleurs été aussi adapté en série. Mais ça serait après la pause musicale. Et pour vous faire découvrir la série, la pause musicale sera gouvernée par Toss a Coin to Your Witcher pour la série Netflix The Witcher. Et on se retrouve juste après ça. When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the Witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plenty. Of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to morn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence he came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the villain, now pour him some mail. Toss a coin to the Witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to the Witcher, a friend of Et donc, on se retrouve après cette pause musicale, Toss a Coin to Your Witcher, composée par Sonia Belousova, pour la série The Witcher. Ce qui nous laisse place désormais à quelle série, Alors, on va commencer par les séries, déjà. Quelle série regardez-vous ou avez-vous regardé en ce moment, durant notre période de confinement? Ah ah, bon, alors, je vais commencer. Allez. Moi, j'ai regardé, j'avais un peu de retard, je crois qu'elle était déjà sortie depuis quelques mois, il me semble, The Expanse. Donc, cette fabuleuse série de science-fiction qui est pour moi la... qui pour moi la petite sœur de Battlestar Galactica, parce que je trouve que au niveau du visuel, du visuel, de la façon de faire et tout, ça fait beaucoup penser à Battlestar. Et donc c'est une série de, on va dire, thriller. La première saison est un thriller dans l'espace, science-fiction. La deuxième saison part plus sur de la géopolitique et la troisième saison part sur des histoires d'aliens, d'exploration et tout et tout. Et donc je recommande vivement cette série à ceux qui aiment déjà Battlestar Galactica, parce que c'est à peu près dans le même genre et c'est toujours aussi bien fait, selon moi. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est pour moi la seule vraie série de SF qu'on a actuellement. Ah, je n'en connais pas des masses, moi, des séries de SF. Ouais. Bah, c'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Et puis elles viennent toutes de la même chaîne, qui est celle sur laquelle est née The Expanse, qui est donc Sci-Fi. Eh oui, Sci-Fi les boss, qui ont déjà fait des vieilles séries très très qualitatives de SF comme Firefly, que je vous recommande. Mais ils avaient fait Defiance aussi, non? En effet. Ah, ils n'ont pas forcément fait les meilleurs trucs. Ils ont essayé de faire un espèce de truc transmédia entre séries et jeux vidéo, sauf que le jeu vidéo, c'est péter la gueule, et la série aussi. La série aussi. Le jeu vidéo a jamais marché, et la série, ça a été compliqué également. Ouais. Mais il y avait quand même des trucs intéressants dans cette série, notamment l'OST, les soundtracks étaient de très très grande qualité. Donc voilà, je recommande. Vincent, t'allais dire un truc, je crois. Ouais, moi j'avais du mal avec la direction artistique de Defiance, t'avais vraiment l'impression que ça criait science-fiction, quoi. En fait, ça faisait un peu comme Halo, avec beaucoup de mauve, beaucoup de design excentrique et très, enfin, c'est vraiment très, le truc fantasmé par un gosse, quoi. Je sais pas, ça me rappelle, Defiance, j'étais pas du tout étonné que ça ne fonctionne pas à la finale. Ouais. Puis alors, ce projet de transmédiatique avec le jeu qui avait l'air, mais pourri complet, quoi. Puis en plus, déjà, c'est compliqué parce que c'était un MMO, jeu Defiance, il me semble. Déjà que c'est compliqué quand t'es un MMO de survie, mais en plus, il faut te taper une série en parallèle, mais c'est non. Et une série sur une chaîne câblée. Ah ouais, non, mais. Parce qu'ils avaient essayé de faire en sorte que, dans ce projet transmédia, je crois, je suis pas sûr, j'avais suivi ça de loin, que l'histoire, au fur et à mesure que les épisodes étaient diffusés, ça avait vraiment un impact sur l'histoire du MMORPG, et donc il y avait des histoires qui se débloquaient. En effet, je pense... Finalement, rétrospectivement, que ça devait être un peu le même concept de saison que l'on a pour les Battle Royale, c'est-à-dire qu'il devait y avoir, à mon avis, des événements qui devaient se produire dans la série télé, qui devaient du coup changer les règles de l'environnement, etc., dans le jeu Defiance. Après, c'est pas impossible aussi, parce qu'il me semble avoir souvenir de cette promesse-là, que les événements du jeu avaient aussi un impact dans la série télé. Mais quoi qu'il en soit, les projets transmédiatiques, ça n'a, en tout cas, série, jeux vidéo, ça n'a jamais fonctionné. Ça avait été aussi le pari de ce truc là, Quantum Break de Remedy. Finalement, le côté série télé, ils l'ont intégré directement dans le jeu. C'était pourri d'ailleurs, parce qu'au lieu d'avoir des belles cinématiques, en plus ils avaient vraiment un moteur de jeu qui avait un très beau rendu pour Quantum Break, et finalement la plupart des cinématiques c'était en FMV, quoi. C'était des films réels. FMV, on dit, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, enfin, c'était des images en prise de vue réelle, quoi. Et enfin, je sais pas, ça ne se marie pas bien, jamais. En tout cas, il n'y a personne qui a réussi à le faire correctement jusqu'ici, à ma connaissance. T'es en train de parler de Disney, là? Disney, qui, parce qu'en parlant de transmédia, il y a... Là, j'ai vu la news il n'y a pas longtemps. C'est qu'ils ont expliqué, je crois, une mort du dernier Star Wars dans le bouquin. Oui. J'ai vu ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est, ce délire? Un film doit se suffire en lui-même. En fait, Disney, ils te font des films à DLC, à extension. T'as le film, et en fait, tu dois payer 10 balles ton bouquin, ou 5 balles, je sais pas combien coûtent les livres Star Wars. pour avoir le roman et comprendre ça, mais tu dois acheter aussi un deuxième roman si tu veux avoir plus de trucs. Mais ça, ça marche pas comme ça, un film. Alors apparemment, ça marche de ouf, parce que les mecs, les gens sont en train de regarder The Mandalorian, qui explique des trucs. Déjà, la naissance de Yoda, c'était bien de rester dans le mystère, mais enfin, soit. Mandalorian, ils sont en train de regarder toutes les séries dérivées et sont à fond sur les séries dérivées et achètent les bouquins. Comment veux-tu encourager une entreprise ensuite lui dire ton film doit se suffire en lui-même, arrête-toi, réponds à toutes tes questions dans ton... Ouais, mais c'est là parce que au Japon, faire penser un projet de manière transmédia, c'est quelque chose qui est plutôt habituel et qui marche pas mal. Le truc, c'est que les OAV, les séries, les mangas répondent à leurs questions. T'as pas besoin d'aller dans un truc pour avoir des réponses. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, c'est que souvent, ces projets-là, ils sont complémentaires. Le manga va se passer avant le jeu vidéo, par exemple. Autre chose, mais l'œuvre se suffit elle-même. Là où tu sens qu'en Occident, c'est vraiment de la prise d'otage. Ah, t'as regardé le film, mais lis les bouquins, parce que sinon, t'as pas tous les détails, t'as pas le choix. Et là, ce que tu dis, on rejoint ce que disait Durandal. C'est-à-dire qu'un film, par exemple, pour le MCU, normalement, un film Marvel doit se suffire à lui-même. Et t'as pas à aller regarder The Shield pour avoir la fin de l'histoire avec Hydra. Me force pas à aller voir une série que je m'en fous, à la base. Ouais, en fait, oui, c'est comme la prise d'otage. Peut-être pour donner un exemple, oui, c'est le... tu veux savoir la fin de mon truc, va sur telle chaîne câblée ou telle chaîne pour regarder ma série, donc fais-moi plus des parts de marché, etc., pour continuer. Enfin, j'ai trouvé ça, mais aberrant. Donc, du coup, Transmedia, Disney, en partie, y est, mais par prise d'otage. Peut-être quelqu'un veut se lancer. Oui, pardon. Est-ce que ce serait pas un peu la faute à ces salauds de consommateurs aussi, quand même, à savoir qu'on veut du contenu tout le temps, on veut toujours de nouvelles histoires et tout, et que est-ce que ces entreprises ne font pas que suivre la pente descendante ouverte par les consommateurs? Bah, de toute façon, c'est ça, je crois. Enfin, pour citer Coluche, il me semble, si ça se vendait pas, si on n'achetait pas, ça ne marcherait pas. Enfin, je ne sais pas la citation exacte, mais vous voyez l'idée. En gros, bien sûr que les Disney fait ça et le pousse à toujours plus loin parce qu'ils y trouvent leur compte. Avec Star Wars, c'était pas très risqué parce que de toute façon, c'est une licence qui a toujours fonctionné sur le produit dérivé. Mais sauf que les films Star Wars répondaient à toutes leurs questions dans un film. Oui, mais si tu sais déjà que même justement, sans cette nécessité pour le consommateur d'avoir des réponses à ses questions narratives, si déjà sans cette nécessité-là pour le consommateur, les produits dérivés fonctionnaient, à ce moment-là, tu peux rajouter la suite de tes histoires dans les trucs. Ça ne peut que t'amener encore plus de consommateurs finalement. Pour Star Wars, de toute façon, ils prenaient pas de risque à faire ça, mais Disney, ils dominent tout, ils ont des entreprises qui leur font des séries, il y a Disney Plus qui sort, qui va leur permettre d'accaparer le temps que les gens ne passent pas dans les salles de cinéma, bien évidemment, avant ça, ils sortent les salles de cinéma. Ils ont des entreprises de jeux vidéo, quand ils ont racheté Lucas, etc., ils ont récupéré LucasArts, ils poussent pas encore la. Voilà, il pousse pas encore la branche jeux vidéo. À mon avis, ça va pas tarder à venir. Déjà, avec le succès qui a été Star Wars Jedi Fallen Order, ils ont envie de produire la suite et Kingdom Hearts aussi. Finalement, Kingdom Hearts, c'est une licence qui appartient à Disney et qui cartonne. Moi, à mon avis, dans les années à venir, ils vont être beaucoup plus agressifs sur le terrain du jeu vidéo. Disney, ils font ce qu'ils peuvent pour lier leurs différents projets les uns avec les autres et sur les différentes plateformes afin que le consommateur ait tout le temps du Disney à consommer où qu'il soit, peu importe la plateforme, peu importe le support, peu importe quoi, en fait. Ouais, mais c'est dommage parce que moi, par exemple, c'est ce qui fait que je ne suis pas allé voir les derniers Star Wars au cinéma. Si pour voir ton truc, il faut en plus que je me fasse ton livre et en plus une série, je vois pas pourquoi j'irais. Enfin, moi, j'aime bien un film, tu mets tous tes trucs, ou alors c'est que tu prépares une suite de films où, dans laquelle, tu vas répondre ensuite à toutes les questions que tu as amorcées dans ton premier épisode, exemple Matrix. Mais c'est un débat à part entière. Quelqu'un veut se lancer sur une série? Sinon, moi, j'en ai une. Vas-y. Sinon, moi, j'ai un film éventuellement. Ouais, on va les faire après, les films. On va terminer sur les séries. Moi, je vais parler d'une série coréenne qui est sur Netflix. Oui, j'ai Netflix parce que j'ai une sœur qui est vraiment très très gentille et qui fait du pilates. Tu sais pas ce que c'est le pilates ? C'est franchement très sympa. Elle s'appelle Ophélie Pilates. T'as qu'à aller sur sa page Facebook et t'auras un corps de dieu grec. Que dis-je ? Zeus pâlira encore plus que sa statue devant ton corps formé par Ophélie Pilates. Voilà, c'était le point pub pour... Placement, voilà, placement de... Oui, bah, pour ma sœur, voilà. Merci. du coup, je suis en train de regarder Kingdom. Enfin, j'ai regardé Kingdom, qui est une série coréenne de zombies au temps médiéval. Alors, ça rend le truc du zombie un peu plus intéressant, déjà, pour l'univers, mais aussi pour autre chose, c'est que... Déjà, c'est coréen, donc ça fait un tout autre univers et un temps médiéval qu'on n'a pas forcément vu ou qu'on ne connaît pas. Mais si on peut se dire qu'au Moyen-Âge coréen, des zombies, ça devait être assez problématique. Ce qui est encore plus problématique, c'est que ce sont les zombies du train pour Busan, c'est-à-dire ils courent et comme dans World War Z, ils font des vagues. C'est parce que ce ne sont pas des zombies, ce sont des infectés. Bref, voilà les infectés. Bref, ces infectés-là. Et ce qui est intéressant, là, il y a la saison 2 qui est sortie, qui est aussi excellente que la première. Parce que, bon, déjà, elle répond aux questions de la première, mais elle en pose des nouvelles, vous allez voir. Mais c'est une série qui avance. Tout d'abord, la première saison, on nous définit bien les personnages, on nous les caractérise bien. Ça y est, on nous les a bien caractérisés, pour certains qui survivent jusqu'à la deuxième. Et à la deuxième, on passe à l'action, on y va. Par exemple, un épisode de Kingdom ferait une saison chez The Walking Dead. Ah, ouais, ah non, mais Kingdom... C'est efficace. Ouais, c'est super efficace, leur truc. Ils te parlent de tel truc, tu comprends l'enjeu. Et tu vois le bordel que c'est des zombies qui courent comme des dératés alors que t'es au Moyen-Âge, t'as que des arquebuses. Enfin, pardon, ils ont des arquebuses aussi, donc je dis Moyen-Âge par facilité de langage. Ils ont des arquebuses, mais face à une horde de zombies, tu veux faire quoi ? Et dès la première saison, on te pose ce méga problème, et la série avance, il y a plein de mystères, tous les personnages sont très bien développés, et surtout que ça ne repose pas que sur les zombies, mais sur aussi des enjeux politiques. Des super intrigues, ouais, de ce côté-là aussi, ouais, qui sont intéressantes à suivre. Et qui sont vraiment dignes des meilleures heures de Game of Thrones, quoi. Bah, rien que la naissance des infectés, en fait, c'est une des conséquences de cette intrigue politique. Oui, oui, spoiler, mais c'est... Non, bah, on sait pas de quoi il en retourne. Oui, hein, oui, hein. Après, faut vraiment... J'avoue. Faut vraiment, mais comment tout tourne, et en fait, tu sens que ce n'est pas un arc et un deuxième, mais que les deux arcs fusionnent ensemble d'une super manière. Tout cool, en fait, la série se passe, et la fin de la saison 1, je me rappelle, enfin, ouais, la fin de la saison 1 m'avait laissé sur le cul, j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et la saison 2, en sachant que les films coréens, si c'est la merde pour un protagoniste, au milieu du film, ça sera encore plus la merde pour lui, et à la fin, encore plus. En fait, c'est... vraiment, le cinéma coréen, c'est quelque chose à regarder, et... Même au niveau des plans, la série a plein de plans qui sont super beaux. Alors pour la saison 1, ne regardez pas les bandes-annonces, mais si vous en regardez une, il y a un plan de la saison 1 qui dure quelques secondes, mais qui est vachement chouette. C'est à une femme qui est au milieu, et en fait, à une espèce de montagne de zombies qui la porte et qui la bouffe en même temps, et elle est au milieu du cadre, et ça fait un espèce de travelling avant. Et c'est une image qui est assez saisissante, et le film est bourré de ce genre d'images. La première fois qu'on voit un infecté se relever, c'est vraiment le zombie, comme on a l'habitude de le voir pour les mangas, le zombie vraiment complètement désarticulé qui se relève de façon à ce que la gravité n'existe plus soudainement. Donc vraiment, c'est une série fantastique, horrifique, thriller qui est à voir et sur laquelle il faut s'accrocher parce que si vous n'aimez pas The Walking Dead, on va sûrement y venir. Si vous avez décroché pour The Walking Dead, vraiment regardez Kingdom. Si vous aimez Game of Thrones, regardez Kingdom. Et si vous aimez les thrillers, eh bien regardez Kingdom parce que ça envoie vraiment du lourd jusque sur les deux saisons et la 3. On va voir s'il va y en avoir une. C'est comment dire, il y a bien à un moment donné un concept de personnages qui savent se battre et donc utilisent les arts martiaux contre les infectés et les zombies. Non, mais par contre, on te dit que les personnages savent se battre. Le personnage principal ainsi que le secondaire, son garde, et un troisième qui retrouve, on te les montre. Enfin, le gars, c'est un prince. Et en Corée, apparemment, les princes étaient rodés aux armes. Donc, c'est pas de la voltige, ça reste encore du on a un sabre et on va se battre dans les règles de l'art du sabre. D'accord. Donc, d'accord. Mais par contre, c'est très bien ce que tu soulèves, c'est que oui, ils savent se battre et ils sont pas cons. The Walking Dead, 10 saisons. Bah, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que dans The Walking Dead, donc j'ai vu que le premier épisode de Kingdom, donc je peux pas trop, je sais pas trop exactement ce qui se passe par la suite, mais dans The Walking Dead, il y a un truc qui est assez agaçant à chaque fois, c'est que quand même, c'est pas crédible. Les zombies dans The Walking Dead, c'est des trucs qui se traînent, mais à 0,5 km/h. Ils sont tout mous, tu peux les exploser hyper facilement, et en fait à chaque fois les personnages ils se retrouvent dans la merde parce que en fait simplement t'as l'impression que leur champ de vision il est restreint au champ de la caméra et ils se rendent compte au bout d'un moment qu'en fait ils sont encerclés par 10 000 zombies, ils les avaient pas vus avant et ils galèrent du coup. En fait je sais pas, à un moment donné non, il y a un problème de tous les personnages sont statiques dans The Walking Dead. À chaque fois, t'as l'impression que c'est incroyable si t'arrives à buter un zombie, quoi. Alors que, bon, là, en fait, déjà, ça a l'air d'être des personnages, effectivement, qui savent se battre. Et puis, il y a une vraie menace, quoi, parce que ces zombies sont beaucoup plus vivaces que ceux de The Walking Dead. Donc, je pense que, oui, ça doit peut-être un peu revivifier le genre si on a l'habitude de regarder des séries comme The Walking Dead. Hein. Voilà. Enfin, en plus, dans The Walking Dead, ils connaissent des techniques pour ne plus être inquiété par les zombies. Bon, il y a la technique de Michonne, qui était d'avoir deux zombies qui te suivent derrière. Alors, tu prends soin quand même de leur enlever la mâchoire et tu leur coupes aussi les bras pour être tranquille. Mais elle était tranquille. Et puis, surtout, ils ont une solution qu'ils ont trouvée très tôt, c'est de s'imbiber de tripes de zombies pour avoir la même odeur qu'eux et pouvoir se faufiler à peu près de manière sereine dans les groupes. Et c'est vrai que c'est une solution qu'ils utilisent peu parce que s'ils l'utilisaient, il y a plein de situations de danger qui voudraient te faire vivre comme du danger qui ne marcheraient plus. Et comme tu dis, on sent que les personnages sont complètement nerfés. On leur baisse leur capacité pour croire qu'ils sont en danger alors qu'on les sait capables. On sait qu'au niveau des munitions, ils sont censés être... Ric-rac, en fait, il tire l'arigot, enfin voilà. Quoi. Je sais pas où trouve toutes ces flèches, où trouve Norman Reedus toutes ces flèches, en fait. Donc, on a du mal à y croire, dans cette situation de danger dans Walking Dead. C'est toute la différence avec Kingdom, parce que ils sont pas nerfés, comme tu dis, on baisse pas leur capacité, ils ont leur capacité, mais le danger est tel que c'est pas forcément suffisant à chaque situation. C'est même généralement très peu suffisant à chaque situation. Mais pardon, Tiffany, je crois que je t'ai coupé la parole. Bah non, en termes de capacité, là, c'est aussi les capacités d'action des chefs d'écho et tueurs qui a terriblement baissé sur The Walking Dead. Enfin, le budget, c'est une catastrophe. La dernière saison, mais plus rien n'est crédible. Plus aucun accessoire, plus aucun décor. C'est du pâté mâché. En fait, The Walking Dead... Et la première saison, donc, était avec Frank Darabont, qui fait partie des producteurs, réalisateurs des films d'horreur phares aux États-Unis, disposait d'un budget pour chaque épisode de 3 millions de dollars. Sauf que c'était trop cher pour AMC, donc ils ont eu la merveilleuse idée de baisser à 2 millions de dollars par épisode et de ne plus bouger ce truc, en sachant que Norman Reedus demande un cachet de 500 000 dollars. Faites le calcul. Aïe, aïe, aïe. Donc, personnage principal. Voilà, donc ils ont flagué tout le monde. Merle, s'il est mort, en fait, l'acteur a dit bah, parce que AMC était radin, parce que moi j'allais leur demander plus pour continuer, donc ils ont tué mon personnage. Et c'est pour ça que vraiment, vous regardez la dernière saison de The Walking Dead, c'est dramatique, les décors, c'est rien n'est crédible. Ils sont allés chez Jiffy et ils ont dit on vous prend le costume là en PVC. Et le truc, c'est que la production s'est défendue des baisses d'audience de The Walking Dead en disant. Ouais, mais c'est à cause de Negan, c'est trop sombre. Negan, c'est trop sombre. Ouais, ils ont dit que c'est. Ils sont sérieux quand même. Ouais, ils ont dit ça, alors que le budget de The Walking Dead n'a pas augmenté. Il est resté comme ça. Et pour la saison 2, Frank Darabont a pété un câble en apprenant ça. Mais il a dit bon, soit. Mais dans ce cas, on va faire en sorte de mettre l'intrigue dans un seul et même lieu pour faire des économies de budget. Il a été viré de la réalisation. Et au milieu de la saison 2, je crois, il a été viré de la production. Ils ont mis un autre showrunner, mais comme c'était un pote à Frank Darabont, ils l'ont viré. Et ensuite, ils ont changé. Ensuite, l'autre showrunner, il s'est occupé de tout l'arc avec les cannibales et Negan. Et à la réalisation, ils ont pris, je crois, c'était un ancien cadreur, et en chef-op, il me semble que c'était pareil, un cadreur ou quelque chose comme ça. Enfin, ils n'avaient pas d'expérience dans la réalisation à proprement parler. Hein. Et ensuite, ils ont viré ce showrunner-là après la saison où on voit Negan pour en mettre une nouvelle. Et le problème, c'est que si au début, on croit que ça relance, mais ça devient terrible, terrible. Negan n'a plus de personnalité, ils lui ont mis une coupe de cheveux à la con. Et la réalisation est truffée de mauvaises idées. En fait, la série, je crois que c'est Tiffen qui a regardé les premiers épisodes. Ouais. Ouais, t'as regardé les premiers épisodes. Mais la série a perdu en crédibilité dans la réalisation, du moins en souvenir que j'en ai. Par exemple, même dans l'écriture du scénario, tu as l'action, ensuite le dialogue, ensuite l'action. Mais les dialogues sont filmés en champ contre champ et basta. Donc, voilà. Ouais, et puis le schéma d'un The Walking Dead, d'une saison de The Walking Dead, c'est premier épisode, ouf, tu te fais chier jusqu'au mid-season. Après le mid-season, reprise, ouf, tu te fais chier jusqu'à la fin de la saison. Fin de saison, ça va. Ouais, et t'étires le truc jusqu'au bout. Quoi. Mais à tel point que, par exemple, les deux derniers épisodes de la saison 10, réellement, t'aurais pu faire un montage alterné parce que au milieu, des épisodes, tu as vraiment des passages qui ne servent à rien. À rien du tout. Carol, par exemple, est devenue le problème typique qu'ont ce genre de série, c'est-à-dire il faut qu'on lui trouve à faire des conneries, sinon on n'avance pas. Donc Carol, The Walking Dead, est devenue une course à la connerie. Pour elle. Elle va partir tout seule, faire son truc, tu sais pas pourquoi, ça n'a aucun sens, mais elle va le faire. La course était déjà bien engagée avec Carl. Hein. Désolé, mais oh, oui. Le personnage était insupportable. Hein. Insupportable. Mais lui, ouais. J'ai appris que le personnage est mort entre-temps, et heureusement, quoi. Il fallait s'en débarrasser, parce que... Mais la sœur a pris le relais, donc... C'est ah merde, putain, c'est vrai. Elle est pire. Mais c'est pas pour défendre Carl, c'est vrai qu'il était insupportable, mais cela dit, je sais pas, c'est presque une loi universelle... Tous les personnages d'ados dans les séries télé sont à fracasser contre les murs. Quoi. Après que dans les séries télé, hein, si vous avez joué à Borderlands 3, petite dédicace à certains personnages qui, pareil, est insupportable parce qu'il faut que l'ado il soit forcément en train de gueuler et qu'il fasse des trucs débiles tout seul. Enfin, ouais. Peut-être quelqu'un veut relancer sur une série Je vais y aller. moi, j'ai terminé pendant le début du confinement la série. Enfin, je suis à jour du coup sur la série The Good Fight, qui est le spin-off et la suite de la série The Good Wife. Donc, initié The Good Wife en 2009, il me semble, ça s'est terminé en 2016 au bout de 7 saisons. Et The Good Fight en est à sa 3e saison. La 4e sort le 9 avril. Ah, c'est la suite de The Good Wife. Ouais, alors c'est la suite en changeant de personnage principal. Alicia Fleury, qui était la Good Wife, elle a arrêté la série avec The Good Wife. Et dans The Good Fight, je suis principalement Christine Baranski, qui incarne le personnage de Diane Lockhart, qui avait l'un des rôles majeurs déjà dans The Good Wife. Mais voilà, c'est plutôt sur elle que ça se concentre. Et sur deux autres personnages également, qui sont il y a trois têtes d'affiche dans The Good Fight. Trois femmes. Et alors, je vais commencer par un petit peu The Good Wife. C'est une série que j'ai commencé cette année, du coup, très, très, très en retard. Je l'ai commencé comme ça parce que j'avais envie d'une série juridique et tout. J'avais envie de voir un petit peu de justice dans ce monde. Et, je me suis lancé dans The Good Wife. Et le pitch, en fait, de base, c'est que Alicia Florrick, c'est une femme mère au foyer. Qui se retrouve sous les projecteurs parce que son mari est le procureur de l'État de l'Ohio, sauf erreur. Et en fait, il y a un scandale sexuel qui est dévoilé et donc ça devient l'épouse qui est l'épouse cocu. Et elle, en plus, elle décide non pas de quitter son mari, mais de faire face dignement à ses côtés dans cette situation-là. Son mari, parce qu'il n'y a pas qu'un scandale sexuel derrière cette affaire-là, il y a aussi des histoires de malversation, un truc comme ça, bref, une sombre affaire encore, il part en prison et elle se retrouve à devoir porter sur ses bras le foyer familial, à subvenir aux besoins du foyer familial qui est composé du coup de deux adolescents. C'est pas encore trop des têtes à claque au début de la série. et puis, donc, elle reprend son métier d'avocate dans un grand cabinet. et on la voit du coup comment dire, avoir du mal au début bien évidemment à se remettre dans le bain de son métier d'avocate, etc. Puis évidemment elle va gagner en assurance, elle va s'affirmer, etc. Donc en fait c'est toute l'histoire de The Good Wife, c'est l'histoire de cette femme qui va réapprendre, plutôt apprendre même à s'émanciper en fait. C'est l'histoire de l'émancipation de Alicia Florrick qui va s'affirmer dans son travail, s'affirmer en tant que femme et plus seulement en tant qu'épouse. Et voilà. Bon, The Good Wife, c'était une série de la CBS extrêmement qualitative. En fait, c'est basiquement c'est un mélange entre Grey's Anatomy, le milieu juridique. Et en fait, c'est comme si aussi c'était fait par une chaîne du câble. La réalisation est très soignée dans The Good Wife, ou tout autant que dans The Good Fight. Ça peut notamment se constater par les génériques. Généralement, une série qui a un bon générique, c'est une bonne série. Je trouve que c'est pas une loi vraiment qui est valable tout le temps, mais c'est quand même pas mal le cas. Et c'est les génériques de The Good Wife sont ce qu'on appelle des génériques caméléons. C'est-à-dire que le générique va souvent s'adapter en fait à l'intrigue de l'épisode. Comme Game of Thrones. Oui, mais pas tout à fait dans le même style. Game of Thrones, en fait, le générique changeait de saison en saison. Là, c'est plutôt dans la logique des Simpsons. Bien que pas tout à fait ça, vous savez, dans les Simpsons, à chaque fois, le moment où ils se posent sur le canapé, voilà, c'est ça. Mmh. Bon, bah, là, c'est pas aussi souvent que ça, c'est à l'occasion vraiment d'un concept particulier au sein de l'épisode que le générique va changer. Et bon, bref, donc, du coup, c'est top. Il y a plein d'épisodes concept, d'ailleurs, justement, notamment dans l'avant-dernière saison, la saison 6, c'est un épisode où Alicia Florrick a la voix cassée, enfin, elle peut plus parler, en fait. Et donc, ça se passe entièrement dans la tête d'Alicia Florrick. C'est absolument génial. Il y a plein d'épisodes comme ça. Beaucoup de bons personnages. Bon, bref, ça, c'était pour The Good Wife. Et donc, du coup, The Good Fight. C'était pas vraiment le même concept, hein. Sur The Good Wife, on était plutôt sur une série procédurale, c'est-à-dire que à chaque épisode, en fait, c'était son nouveau procès avec Alicia qui démontre ses talents d'avocate et qui les affirme un peu plus à chaque fois. Il y avait aussi, bien évidemment, hein, comme ce côté Grey's Anatomy, les relations entre les personnages qui étaient développés. Il y avait beaucoup de le ship faisait partie intégrante de l'intérêt que l'on avait pour cette série-là. Et dans The Good Fight, en fait, ils ont revu la formule. C'est une satire politique, The Good Fight. D'ailleurs, la série s'ouvre sur l'élection de Donald Trump, où on entend l'élection à la télé, et on voit en fait en gros plan qui se rapproche, pour devenir un gros plan sur le visage de Christine Baranski, donc de Diane Lockhart, qui elle, bien évidemment, est démocrate. Et donc réagit très mal à l'élection de ce républicain Donald Trump très controversé. Et la série, du coup, The Good Fight, met sans cesse le doigt sur les faux pas de l'actualité américaine. Ils sont très à jour dans cette série-là. Et ça ne traite pas que de ça, mais également des sujets de société les plus importants de l'actualité, qui sont le mouvement MeToo, par exemple, les questions de genre aussi, le combat des femmes de manière générale, et tout un tas de choses. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans The Good Fight, c'est que la série essaye à chaque fois de montrer les deux côtés de la pièce, quoi. Par exemple, dans The Good Fight, le cabinet d'avocats dans lequel travaille Diane Lockhart dans cette série-là, c'est un cabinet qui est constitué majoritairement d'employés noirs. En tout cas, les membres fondateurs sont noirs. Et il y a beaucoup d'employés noirs. Et donc, c'est une culture d'entreprise qui est bien différente de celle du cabinet dans lequel elle travaillait dans la série The Good Wife. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Putain, je vais me faire. Elle traite dans le cabinet The Good Wife, The Good Fight, noir. Je suis désolé, ça va te faire un petit peu de montage. Non, mais je vais te laisser galérer comme ça. Ça va faire ouais. Mais sinon, moi, ce que tu dis, le fait que la série se tienne particulièrement à jour, apparemment, sur l'actualité, ouais. Ça me fait penser au début de House of Cards. Alors, il me manque la toute dernière saison à voir. Je ne l'ai toujours pas vue, mais c'était une série que j'avais bien aimée. J'ai eu du mal aussi. Ouais. Et il y a eu plusieurs fois où ils étaient un petit peu en avance même sur l'actualité. Il y a même une photo qui a circulé où il y a Frank Underwood qui serre la main au président Petrov, alias Vladimir Poutine, dans la série. Mm-hmm. Et en fait, ouais. le cadre de ce passage-là est le même que lorsque Donald Trump a rencontré Vladimir Poutine. T'as Vladimir Poutine qui voit la main de Donald Trump et qui a l'air de s'en ficher royalement, et t'as la même chose dans House of Cards. Et plusieurs fois, ils prennent des problèmes d'actualité, comme l'homosexualité en Russie, la corruption, ou alors les élections aussi. Comment tu peux voler des élections avec les nouvelles, avec les méthodes du numérique, par exemple. Ouais. Comment tu cibles, etc., les gens, les coups bas aussi qu'il y a pendant des élections. Et tout, en fait, tu vois un peu une partie des rouages de la politique américaine. Et à ce point-là, tu... En fait, la série... Là, la façon dont tu le racontes, ça fait écho à ça, dans le sens une série qui cherche à vraiment coller à notre temps pour développer son propos. Et bah, c'est tout à fait ça. Alors, pendant que tu parlais, je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Je disais que ça, c'est une série qui, à chaque fois, tient à montrer les deux côtés de la pièce. Et donc, par exemple, dans ce cabinet de personnes black, ils sont donc évidemment, ils ont tous voté contre Trump, ils ont tous voté pour le parti adverse, sauf un des associés du cabinet qui a voté Trump. Donc tu vois, même il y a toujours ce point de vue-là du pro-Trump au sein du cabinet qui montre que bah oui, non mais il y a aussi des bons côtés à l'élection de Trump, etc. Pareil quand la série embrasse des côtés des questions sur le mouvement des femmes, etc., quand elles s'emparent de ces questions-là, et ben c'est souvent à travers les cas judiciaires qu'ils ont à traiter. Il y a toutes tout le fond de l'affaire qui est étudié, et la série te dit bah ouais, mais il y a des femmes. Le mouvement MeToo, il est bien, mais est-ce qu'il est forcément juste? Est-ce que sur la base d'une bonne intention, est-ce que on ne crée pas quelque chose qui va devenir un peu monstrueux à terme, etc. Donc à chaque fois, la série essaye de présenter thèse et antithèse un petit peu comme on le fait au sein d'un tribunal finalement entre les deux parties qui s'affrontent. Et les questions du numérique aussi ont toujours été traitées depuis The Good Wife, et c'était d'ailleurs l'un des gros points forts de la série. À chaque fois, la série ne tient pas à être juste vraisemblable quand elle s'empare des sujets du numérique, liés au numérique, mais il y a vraiment une certaine justesse dans le traitement de ces dossiers-là qui a été noté. Je crois que la série a été vraiment récompensée pour la façon dont elle traitait les intrigues liées au numérique, notamment, et puis en plus à chaque fois c'est lié à l'actualité, quoi. Dans The Good Wife déjà il y avait tout un procès lié au Bitcoin, est-ce qu'on doit reconnaître ce truc-là comme une monnaie, etc. Enfin, à chaque fois ça fait preuve d'une justesse quand c'est lié à ces questions numériques, ce qui est assez rare, hein. Souvent on se dit, enfin les séries, les auteurs se disent, bah en fait le numérique, l'informatique, etc., c'est un peu de la sorcellerie, c'est le truc, tu peux faire gober n'importe quoi, n'importe qui, nous-mêmes on sait pas comment ça fonctionne, alors le téléspectateur certainement pas, donc à partir du moment où c'est vraisemblable, on peut lui raconter tout et n'importe quoi, ça va passer. Dans The Good Wife et The Good Fight, il y a vraiment cette intention de pas raconter n'importe quoi, au contraire, et les rouages politiques, c'est traité aussi dans ces deux séries-là, pour les élections notamment, parce que dans la première série The Good Wife, il y a le mari de Alicia Florrick qui était procureur, qui, parce qu'il ne va pas rester en prison toute sa vie, c'est traité dans la première saison, cette intrigue-là. Après, il va essayer de se remettre dans le bain politique. Ça sera également le cas d'autres personnages au cours de la série. Et donc, on te montre comment est-ce que c'est possible de truquer des élections, comment est-ce qu'on manipule l'opinion publique, etc. Et donc c'est une série vraiment, The Good Wife et The Good Fight, qui sont en phase avec leur temps, qui soulèvent des questions brûlantes et de façon vraiment, je trouve, intelligente. Et je sais pas, c'est deux séries en fait qui font du bien aujourd'hui à regarder, je trouve, vraiment. Ok, bah écoute, pour ma part c'est noté. De cette côté. La propagande a réussi. Est-ce que quelqu'un a une série en tête là ou pas? La dernière que j'avais, moi, c'était grâce à ma sœur. Vous connaissez Ophélie Pilate, au fait. c'est la famille. Attends, moi, je fais tout ce que je peux. Ouais, ben, justement, on veut pas connaître la nature du partenariat entre vous. Et puis en plus, ça commence comme ça, et puis ça finit par faire des sponsors pour Red Shadow Legends, hein, donc voilà. Hein. Sinon, la série que j'avais, c'est The Witcher. dont nous avons entendu l'une des chansons qui porte la série, Toss a Coin to Your Witcher. Alors, moi, c'est une série que je trouve intéressante et qui a la particularité d'améliorer sa réalisation au fur et à mesure des épisodes. Ah oui, c'est frappant, l'amélioration. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le tout premier épisode, les deux, trois premiers, je dirais, et avec l'esthétique en particulier. Et ça s'améliore, mais vraiment, et la réalisation est très, très simple. Ouais, c'est... apparemment, ils ont 3-4 réalisateurs, quelque chose comme ça. Et petit à petit, en changeant de réalisateur, on a des réalisateurs, surtout sur le dernier épisode de la saison, il y a un plan sur Yennefer que j'ai trouvé super beau, super prenant. Et cette série, alors, elle adapte directement, elle ne se base pas sur les jeux vidéo, directement les livres de l'auteur de The Witcher, mais elle semble quand même garder un espèce de lien avec le jeu. Alors, je ne sais pas si ça vient directement de la série ou des livres ou des jeux, dans le fait de pousser tout le temps Geralt, le personnage principal joué par Henry Cavill, alias Superman, dans Batman v Superman, qui est un très bon Geralt, qui est tout en muscle, eh bien, à chaque fois, la série pose directement la question, tu dois faire un choix au personnage, et ensuite, il aura exactement des choix à faire, comme on fait dans le jeu, c'est-à-dire, tu prends telle ou telle partie, oui ou non, et à force de repousser les choix, eh bien, Geralt se retrouve de plus en plus dans des problèmes, qui sont liés plus ou moins à la politique dedans, plus que The Witcher dépeint un monde où la guerre commence, où Nilfgaard, pour ceux qui ont joué au jeu, étend son empire et s'apprête à attaquer les royaumes à côté. Et le lien qu'elle garde aussi par rapport au jeu, c'est au niveau des musiques. Si vous écoutez les musiques du jeu, vous savez, il y a une espèce de voix féminine qui chante en arrière-plan avec les instruments. Et le jeu l'a gardé, sauf que par rapport... la série l'a gardé, et sauf qu'avec la série... ça atteint un caractère plus sombre que je trouve intéressant. La série essaye d'être globalement peut-être moins colorée, globalement j'ai l'impression que le jeu. Et c'est surtout les musiques qui représentent ça, par exemple la voix qui est censée chanter. Parfois dans certaines chansons elle va s'égosiller, vraiment ça va devenir un espèce de cri lointain comme un appel, comme une espèce de souffrance. Et certains chants qui conclut les épisodes, alors pas la chanson qu'on a écoutée là en entracte musical, mais celle qui s'appelle The Song of the White Wolf, qui est vraiment très prenante, qui tout à coup fait très solitaire, très sombre. Et pour ça, j'ai vraiment trouvé la série vraiment chouette au niveau des musiques, donc par la compositrice que nous avons citée et d'autres compositeurs qui ont travaillé dessus. Mais aussi, c'est vraiment une série sur laquelle, je ne sais pas si vous accrochez pas au premier épisode, laissez-lui sa chance vraiment sur les deux autres. Le truc qui risque de bloquer, c'est que ce n'est pas spécialement dit dans la série, c'est que tous les passages qui sont avec Geralt et Yennefer sont avant l'attaque du château qu'on voit au début. Oui, le montage peut paraître un peu particulier au début, on peut s'y perdre, mais il faut continuer à regarder les épisodes pour enfin comprendre en fait, ce fonctionnement, ce type de... Voilà, Ouais, c'est quelque chose comme plus de 10 ans avant cette attaque de château. Et c'est là où on voit Geralt se lier d'amitié avec qui en plus est drôle dans la série. Ouais, il est déjà dans les bouquins. Ouais. J'ai pas lu les livres, donc je ne sais pas. Voilà, l'humour passe super bien, contrairement à certains films ou séries qui n'arrivent pas toujours à gérer la... J'attends que... Attends, je meurs et je reviens. C'est bon, j'ai fini. Ok. Ouais, contrairement à certaines séries ou certains films où l'humour n'est pas toujours très bien géré, là, pour le coup, je trouve que c'est très réussi avec ce personnage qui balance un peu, qui contrebalance plutôt la rigidité du personnage principal. Et en plus, tout à l'heure, on parlait de manque de budget et on sent que la série a eu quand même un budget conséquent pour faire ce qu'elle avait à faire, mais qu'ils ont mis le plus gros du budget dans les derniers épisodes, parce que vraiment, les débuts, c'est vrai qu'il faut accrocher, parce qu'il y a des fois, on fait, là, c'est un peu kitsch, là, les costumes ne sont même pas patinés, alors que c'est des paysans, et on dirait que leurs habits sont tout neufs, ils sortent de H&M. Il y a les lumières, des fois, on voit vraiment que cette lumière, que le projecteur est juste à côté de la lampe de l'acteur. Mais sur les derniers épisodes, il y a une bataille, et par rapport à The Walking Dead, je sais pas si tu te souviens, Flo, on avait eu une discussion comme ça, où The Walking Dead n'avait pas le budget pour faire une armée de zombies, et au lieu de jouer sur le hors-champ, ouais, il l'a montré quand même. Ouais, c'est ça. Tu voyais bien que les premiers rangs, c'était des figurants et que les rangs, au fond, c'était des images de synthèse. C'était vraiment dégueulasse. Ouais, et bien là, le choix de The Witcher sur les batailles à la c'est et même au début finalement, eh bien c'est de jouer sur le hors-champ. Il y a peut-être 10 figurants, hein, quelque chose comme ça. Mais ils te les filment assez proches et déjà ils n'utilisent pas d'effets spéciaux pour les trucs, ou du moins très peu, et ils font en sorte que ça ne se voit pas, que tu puisses te focaliser sur le gore de la bataille, parce qu'il y a des plans qui font « Ouh là là, regardez, ça a été décapité ». Mais pour ça, vraiment, je trouve que c'est une série intéressante sur laquelle, perso, j'attends la saison 2, et voir les réalisateurs qui vont mettre, ceux qui vont garder, ceux qui vont enlever, s'il y en a qui partent ou qui arrivent. Et les personnages sont bien choisis, vraiment. Henry Cavill en Geralt, en sachant que Henry Cavill est un geek, plus qu'il joue pas mal à World of Warcraft, à ce qui paraît. Et pour l'anecdote encore, dans une interview, on lui a demandé sur quelle console il jouait, il a répondu PC. Mais d'ailleurs, en fait, c'est lui qui souhaitait de base incarner Butler, parce qu'il adore la saga vidéo The Witcher. Oui, c'est un fan de The Witcher, et c'est un... quelqu'un aussi qui aime beaucoup Superman, donc c'est un geek qui vient de jouer ses héros, je pense que sa vie est accomplie. Ouais, c'est clair. C'est clair. ouais, moi aussi j'attends bien la suite. Je dirais qu'en fait j'attends la saison 1, quoi. j'ai beaucoup aimé la série The Witcher, mais je trouve qu'en termes de scénario, c'est vraiment une saison 0, quoi. C'est-à-dire qu'en fait on te met tout en place pour que l'histoire commence. Ça m'a fait un peu vraiment le même effet que la première saison de la série Netflix animée Castlevania. Je me suis dit, une fois que j'étais arrivé au terme de la première saison, ah, donc c'est maintenant que l'histoire commence, en fait. Et je suppose que c'est pour ça, en réalité, qu'il y a ce montage alterné des époques temporelles un peu fucked up. C'est pour donner, en fait, un intérêt à l'histoire qui nous est racontée dans cette saison-là. Parce qu'en réalité, si on avait raconté cette histoire-là de façon linéaire, je pense qu'on se serait tous fait chier, en tout cas beaucoup plus. Ouais, t'es plat, ouais. Voilà. Après, j'ai été positivement surpris de l'interprétation et de l'incarnation, en fait, du Witcher par Henry Cavill. C'est quelque chose qui me faisait très peur quand il y avait eu le teaser reveal de Cavill en tant que sorceleur. Je me suis dit, c'est quoi ce truc de merde? On aurait dit vraiment un cosplay de The Witcher, en fait. Ça n'avait aucune gueule. En plus, la façon, c'était ridicule, c'était ce teaser reveal. C'était Henry Cavill qui sort de la pénombre pour s'avancer vers la caméra jusqu'à arriver en gros plan. Et je sais pas, il remet sa petite mèche en place et puis il se casse. C'était vraiment c'était risible au possible. Et en fait, dans la version finale de la série, ça marche complètement. Ils ont retravaillé. Déjà, la tenue qu'il avait dans le reveal, c'était pas du tout la même que celle qu'il porte finalement. Mais généralement, faut pas les regarder beaucoup, ce genre de truc, parce que c'est pas fini, en fait. Ils font ça soi-disant pour rassurer les gens, sauf que c'est l'inverse. Ouais, mais non. Mais pareil, quand ils avaient posté la photo, la première photo de Henry Cavill avec la coupe de cheveux de The Witcher, tout le monde s'était foutu de sa gueule. Et quand tu regardes la série, c'est pas absolument pas la même coupe de cheveux. C'est pas fini. C'est, en fait, ils ont eu cette première proposition là et quelques temps plus tard, ils ont dit ouais non, on va changer parce que finalement c'est pas pratique, ou alors c'est pas top finalement. Donc faut jamais se baser sur le premier truc alors qu'il y a même pas eu la bande annonce officielle, etc. Ne regardez pas les bandes annonces. le premier truc. Et en même temps, comment dire, c'est ce qui a permis le redesign de Sonic aussi dans le film. Oui, mais parce que ça, il y a eu la bande annonce officielle avant. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est que peut-être qu'ils ont modifié le design aussi en fonction des retours des gens sur le reveal du design de Cavill en tant que Witcher. Ce qui faisait flipper, c'est que là, il y avait la bande-annonce officielle, et c'était directement, c'est ça, ça va être ça, le design de Sonic. Mon Dieu, qu'est-ce qui faisait peur, Sonic. Quelqu'un a une autre série? Ou quelque chose à rajouter? Ok, on va peut-être pouvoir passer au film. Alors, quel film vous êtes-vous raté durant ce confinement? Pandémie, pour être dans l'ambiance, hein, si vous voulez convaincre grand-mère de rester bien confinée chez elle, solution, parce que ça rend peut-être bien parano. Donc Pandémie, c'est aussi coréen, c'est un film de Song Soo Kim, il me semble, et là ça raconte le début d'une infection, donc je crois que ça commence avec avec des clandestins qui sont cachés dans un camion dans et un en fait l'infection dans ouais. un ouais et qui donc ça part de là et, les premiers contaminés meurent en fait dans ce conteneur et il y en a un qui réussit à s'échapper qui se rend à l'hôpital et ça part de là sauf qu'après je peux pas développer plus mais c'est assez donc c'est une très très belle réalisation, c'est super efficace. Si vous aimez coréen, ça, voilà, c'est vraiment dans cette lignée-là, tout en étant, tout en ayant un côté blockbuster aussi, mais qui marche très bien, qui est bien réalisé. Les personnages sont très attachants, notamment la petite fille de l'histoire qui joue super bien. Et voilà, c'est super émouvant à des moments. Donc ouais, je recommande. Et vivement. En plus, le film a de ses plans. Enfin, il y a un moment, ça, vers la fin du film, tu commences à avoir des plans, mais ça commence à devenir éprouvant. Enfin, vraiment, tu sens dans un espèce de désespoir. Et le film, tu vois le avant la. En fait, tu vois toute la pandémie jusque. Tu vois absolument toute la pandémie et le scénario avance et est drôle des fois. Enfin, il y a. Enfin, au début du film, il y a ces petits gags à la coréen, pour ceux qui ont l'habitude du cinéma coréen, qui fonctionnent ici vachement bien. Et ouais, c'est vraiment un sacré bon film. Et comme dans. Pardon, excuse-moi, vas-y. Vas-y. Comme dans beaucoup d'œuvres coréennes, il y a aussi cette critique de la société et du pouvoir en place qui est super présente. On a la critique de ce pouvoir qui ne sait pas réagir à une situation de crise. Donc aujourd'hui, on en a aussi la démonstration avec les différentes réactions des États dans le monde. Chacun ne réagit pas toujours de la bonne façon. Il y a des décisions dures qui peuvent être prises. Là, c'est le cas dans ce film. Et on voit comment les États-Unis peuvent avoir aussi une emprise sur le gouvernement coréen et comment tout peut se jouer juste par des décisions politiques. Donc voilà, un super film. Ouais, vraiment, regardez-le dès que vous pouvez. Quelqu'un rebondit ? Alors, je vais faire... Justement, je voulais discuter avec toi de ça vite fait. Moi, j'ai regardé le seul film que j'ai regardé pendant le confinement, là, c'est Frozen 2. Ouais. Parce que je sais que tu as beaucoup aimé le film. J'ai pas dit que j'avais beaucoup aimé, j'ai dit qu'il était mieux écrit qu'un Marvel. Hein. Ah, d'accord. Bon, ok. Alors, fallait remettre. En fait, je me suis lancé dans Frozen 2 en me disant, bon, alors, je suis curieux de voir ce qu'a trouvé Florentin de si bon dans le film. Et j'ai terminé le film, mais j'avais toujours pas trouvé, en fait. Donc, voilà. c'est tout. Voilà, t'as des goûts de merde, Florentin. Faut être couché. J'ai dit qu'il était mieux écrit qu'un Marvel, hein. Ah d'accord, non mais il me semblait qu'il y avait un truc que tu avais particulièrement aimé dans Frozen 2. Particulièrement aimé, j'ai dit il était sympa, il était bien. D'accord. J'ai pas dit que c'était le film d'animation du siècle, ni rien, j'ai juste dit il est sympa, il était bien, voilà. Oh comment ça assume pas ce que tu dis. C'est tellement toi. Non, j'ai dit qu'il était bien, bref, qu'est-ce que t'en as pensé Vincent? Bon, c'est la suite du premier. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, mais alors c'est peut-être juste moi qui me suis fait des films. Il me semblait que le mariage de Anna et Christophe avait déjà eu lieu dans un court-métrage qui était sorti peu après le premier film. En fait, je sais pas, ça devait être peut-être juste une fête du village, un truc comme ça, mais du coup, je vois pas l'intérêt scénaristique de faire ça. Bref, parce que toujours est-il que dans Frozen 2, le mariage entre Anna et Elsa n'a toujours pas eu lieu. Anna et Christophe. C'est la version Game of Thrones. Bref, bref. L'histoire, elle est ce qu'elle est. C'était pas passionnant. Visuellement, bon, par contre, ça fonctionne bien. Les décors sont très jolis. Les effets aussi, les différents effets de particules, etc. Bon, de toute façon, techniquement, ça a toujours été des beaux films, des films d'animation Disney et Pixar. Hein, on peut pas leur enlever. En termes des musiques, j'étais curieux de voir ce qu'ils allaient nous proposer comme tube après le fameux Let It Go. Et en fait, j'étais assez surpris parce que pendant le film, je trouvais que les musiques, la plupart, étaient pas ouf. Et puis arrive le moment où elle chante Show Yourself quand elle arrive dans la. Quand elle arrive dans le lieu où Elsa obtient toutes les réponses qu'elle se posait sur l'intrigue du film, quoi. Cette espèce de caverne aux esprits, là. Bref. Et je m'attendais, en fait, du coup, à ce que ce soit cette musique qui soit nominée aux Oscars. Et en fait, c'est pas du tout celle-là, c'est une musique du début de film qui s'appelle Into the Unknown. Et je me suis dit, c'est étrange quand même, c'est comme si... parce que clairement, tu sens dans la réalisation que Show Yourself, c'est le nouveau Let It Go. Je veux dire, c'est dans cette chanson-là, elle change de tenue comme elle changeait de tenue dans Let It Go. C'est là où elle est dans un lieu très spécifique, comme elle se crée son propre château dans Château de Glace dans Let It Go, etc. Donc en fait, tu sens vraiment que c'était cette musique-là qui était prévue pour être le successeur des Let It Go. Et en fait, je sais pas, croire qu'ils se sont dit, étant donné que les gens manifestement ont dû préférer Into the Unknown, et c'est celle-là qu'ils ont fait aux Oscars. Bref, non, en dehors de ça, qui m'a un petit peu perturbé, oui, c'est très oubliable. Et maintenant, regarde-le rétrospectivement avec un Marvel. Ouais. tu te rends compte que même confiné, c'est-à-dire il a le temps, il a pas envie. Non. C'est quand même pourquoi s'infliger ça? T'as raison. Hein. Vaut mieux se regarder un film coréen, beaucoup plus intéressant que ça, quoi. Ou revoir BVS, si tu veux voir un bon film. Hey, d'ailleurs, Zack Snyder a sorti une vidéo où on peut regarder Batman v Superman en même temps que lui. Et alors, ce qui est. Alors, Epic Win, plus que ce qu'il dit de BVS, eh bien, ça confirme ce que nous avions dit dans le DLMAD sur Marvel vs DC, quand on parlait de Snyder. Et en plus, il confirme tout ce que j'ai dit, enfin la plupart des trucs que j'ai dit dans la vidéo Zack Snyder et la symbolique. Donc, moi, c'était ma petite victoire du moment. Et c'est vachement intéressant parce qu'il fait beaucoup de... Il dit toutes ses inspirations, comment s'est passé le tournage, il montre aussi le storyboard. Et il envoie un tacle à Justice League aussi qui est assez drôle à la fin de la vidéo. Et... C'est sympa comme truc. Moi, bon, évidemment, faut être fan du film pour le regarder, mais voilà, c'est à faire en tout cas. Maintenant, ce qui serait beau, c'est que les frères Russo, ils fassent la même chose, qu'ils confirment tout ce qui était dit dans l'émission. J'avoue. Sinon, film, Victor ou Flo, vous, qu'avez-vous? Ah, tout à fait. Alors, je vais peut-être narrer ma magnifique histoire. Alors, il était une fois à 2h du matin où je me suis dit que j'avais envie de regarder un film SF. Je commence bien sûr à regarder sur des plateformes de streaming complètement illégales. Et donc, je tombe sur un film SF espagnol produit par Netflix. Donc, la plateforme. Sûr, le premier truc que je me dis, c'est quel est cet immondice. Encore un nanar complètement merdique produit par Netflix. Donc je me suis dit, vite, il faut que je regarde ça pour continuer à critiquer Netflix et voir à quel point le niveau est à zéro. Donc je commence à regarder ce merveilleux film. Pendant les 30 premières minutes, toutes mes hypothèses sont bien évidemment confirmées. À savoir que le film est complètement cliché. Donc pour résumer un peu l'histoire, c'est tout simplement, on va dire, une espèce de prison où les gens sont dans une salle confinée, hein, justement, on pourrait dire. Et donc ces salles, il y a plusieurs étages, on va dire des centaines d'étages, et donc il y a dans ces salles un énorme creux où il y a une plateforme, justement, on va dire, qui descend au fur et à mesure. Donc dans cette plateforme, eh ben, il y a de la nourriture. Et donc au fur et à mesure, la nourriture descend de plus en plus, et donc il y a de moins en moins de nourriture pour les gens, et donc c'est de plus en plus la dèche en fonction de où est-ce qu'il se situe, dans quel étage. Donc le scénar est terriblement cliché, bien entendu, on est sur... J'étais là, je me disais, qu'est-ce que c'est encore que ce scénario bien pensant pour un mode critique de la société, tout et tout, hein, le capitalisme, c'est trop mal. Et au final, au fur et à mesure, ça se complexifie un peu plus, on va dire, et ça part un peu dans une sorte de dissertation où, en soi, il y a le problème est posé au début, donc c'est la partie un peu cliché. Et ensuite, le film essaie de dégager, on va dire, à travers le personnage, des éléments de réponse sur est-ce que la violence, c'est la meilleure solution? Est-ce que la non-violence, c'est la meilleure solution? Est-ce que voilà, le côté pacifique, ça marche, et tout, et tout. Et donc, j'ai beaucoup aimé, au final, ce film sur son côté disserte. on va dire, et qui au final avait une surface très superficielle, enfin une apparence très superficielle, et qui en fait apporte des sujets assez marrants, enfin assez marrants, assez intéressants quoi. De... Parce que si t'as rigolé pendant le film, et... ouais, quand même moins 18. Il faut beaucoup intellectualiser le machin parce que sinon c'est cliché. Et oui, et par contre c'est d'un gore, c'est d'un gore bien entendu assez stratosphérique. Florentin en vomit encore. Hein. Pourtant je suis pas très, enfin bon, moi j'aime bien regarder, enfin j'aime bien manger de la viande devant un petit Walking Dead, tu vois, c'est la base. Là, là c'était vraiment hard, hein. On arrive sur du cannibalisme, c'était assez, ouais ouais, il faut pas, voilà. Voilà, faut absensible, ah ouais, comme on dit. Non mais pour te dire, en fait le film commence. Et arrivé au moment, alors pour pas trop en dire, hein, mais changement d'étage, le premier changement d'étage, non c'est le premier, ouais je crois. Ouais. Il me semble, ouais. Et bien ouais. À ce moment-là, j'ai regardé le film, j'ai fait, je crois que je vais vomir. J'ai dit, j'aime pas les films qui font vomir. Je me suis et j'ai regardé la suite, j'ai fait putain, je vais gerber. Et au final, j'ai regardé le film jusqu'au bout, je l'ai beaucoup aimé parce que la métaphore sociale est très intéressante. Le réalisateur a dit c'est une autocritique sociale, hein. Il s'inclut aussi dans le truc. Mais je veux dire, quand. Alors, c'est un petit passage, donc c'est pas du spoiler, mais quand t'as un mec qui pisse sur la bouffe qui s'apprête à descendre et que le mec lui fait mais vous pissez sur la bouffe des autres? Et lui, il fait bah, évidemment, c'est des enfoirés. Et lui, fait ouais, mais ceux du dessus. Vous aimeriez pas qu'ils pissent de... Ils ont peut-être pissé dans votre bouffe. Et lui fait, bah évidemment, c'est des enfoirés. Enculés. et tu vois, enfin, t'as tout ce côté-là et t'as plein de trucs comme ça. Et même le principe du film, quand on regarde jusqu'au bout, est hyper intéressant. Enfin, moi, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais à ce que tu réagisses dessus, Victor, sur tous les trucs sociologiques qu'il y a, sur les strates de pouvoir et tout ça. Manger ou être mangé. En fait, ce que j'aime beaucoup, dans ce film, c'est que avec cette fabuleuse fin ouverte, il y a tout, enfin il y a pas de. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment la volonté dans le film de montrer des valeurs, comment dire, de vraiment de pousser à une morale, tu vois, en mode ça c'est pas bien, ça c'est gentil. Et j'ai été agréablement surpris de voir que c'était absolument pas le cas de ce film. Et qu'il était beaucoup plus en mode ben voilà, y a ça, démerdez-vous. Et donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là du film. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'emmerde quand Netflix fait des bons films. Moi aussi, ça me fait chier. C'est comme Disney, quoi. Ouais, c'est con parce que alors tu comprends qu'en même temps, au cinéma, il serait peut-être pas rentré dans son budget. Parce que le film est hard et alors. Au niveau du gore, tu pourrais dire ouais, bon, dès qu'on est au moins de 16 ans, mais l'ambiance était. Non, non, non. Mais ouais, ouais, tu trouves? C'est quand même. Ouais. L'ambiance, ah, était... ouais, c'est vrai qu'en fait, ouais, sur la fin. C'est du bon cannibalisme quand même. Enfin, ouais. Mais le truc, c'est que sur le choquant, le film n'en fait jamais des caisses. Pourtant, il est hard. Hein. Ouais, il est pas nanar, en fait, c'est vrai. C'est vrai qu'il est dégueulasse. Enfin, il arrive à être super dégueulasse. Mais en même temps, il n'est pas nanar comme bah, par exemple The Walking Dead, qui détruit complètement la tension, tu vois, du gore avec l'exagération totale. Et c'est vrai que c'est pas le cas sur ce film-là. C'est pas exagéré. Des fois, c'est à peine montré même, mais c'est tellement dégueulasse que ça suffit à avoir une réaction. Franchement, tu peux faire énormément de choses. Le problème, c'est qu'on peut développer dessus parce que sinon. On spoil. C'est difficile d'en parler sans spoiler. Ouais. Par contre, ne regardez pas la bande-annonce. Ne regardez pas la bande-annonce. Elle va vous raconter les grandes lignes du film. Aucune surprise. Moi, j'ai vu le film. Je ne savais même pas de quoi il parlait. Pareil. parce que du coup, quand je vous ai dit que... Ah, bon, c'est parce qu'en plus, je ne savais même pas ce qu'allait se passer après. Donc, j'étais vraiment pas bien là. Donc, ouais, regardez ce film. La plateforme, même la réalisation est assez intéressante. Ils arrivent à faire bouger les choses. On s'ennuie pas dedans. Si vous êtes sensible, on rappelle que c'est déconseillé au moins de 18 ans. Quelqu'un a un autre film? Non. Alors, moi, j'en ai peut-être un autre. On reste sur du cinéma coréen. Avec un film que je vous conseille vivement. Parce que c'est un bon thriller. Un très bon thriller, même. Et. Un film qui est drôle, ça s'appelle Hard, Day, c'est de Kim Seong-hoon. Et en fait, c'est... Pardon ? C'est pas marrant. Enfin, c'est... c'était presque le nom d'un dictateur. c'est pas faux. et ben là, ils ont bien fait de lui donner parce que le film... Ouais, il est drôle. Ça raconte l'histoire d'un flic corrompu. Enfin, c'est dit dès le début du film. La journée de merde qui va passer. Enfin, les journées de merde qui vont passer. Il va s'enfoncer dans les impondérables, dans les problèmes. Et la première séquence, c'est un enterrement. Et je crois que cette séquence est épique parce qu'elle résume tout, tout le film. C'est génial. On enterre sa mère, mais le problème, c'est qu'on commence à découvrir que c'est un flic corrompu et il doit cacher les preuves. et t'as des situations qui sont aberrantes, mais même tout au long du film, le mec, il est drôle. Je veux dire, il y a un type qui dit avoir découvert qui il était. Et à un moment, il est content parce qu'il découvre que c'est pas vrai et il pousse à des espèces de cris de joie super aigus et il se met à insulter le mec. Il fait « Ouh ah, tu peux pas !» La réalisation est drôle et il va y avoir un antagoniste petit à petit dans le film. Et c'est l'antagoniste coréen. Et à partir du moment où celui-là arrive, c'est stressant. Vraiment, c'est stressant. C'est drôle dans le drame, en fait, parce que c'est vraiment horrible ce qui se passe. Mais on arrive à rigoler dans des situations un peu. Ouais, le méchant, c'est vraiment le méchant, mais improbable, les réactions qu'il a et tout. Mais qu'est-ce que tu rigoles en stressant et c'est... Enfin, t'es là, tu fais, mais il va s'en sortir comment ? C'est vraiment le principe du film où c'est jamais assez problématique pour ce personnage-là. Et il va s'enfoncer encore, encore, encore et encore. Et Hard Day, et vraiment, c'est vraiment un film à voir. J'en avais un deuxième, et peut-être que je le garderai si le mois prochain on refait une émission comme celle-ci. Celui-là était de Takeshi Kitano, mais on verra pour plus tard. On va peut-être parler maintenant des jeux. Quel jeu ? Eh oui, de la manette au débat. À la base, ça part de jeux vidéo quand même. Ah, ça y est, on arrête d'être une fraude. voilà, on va enfin parler de jeux vidéo. Alors, à quel jeu jouez-vous ou avez-vous joué ? Bah, si vous voulez, je peux y aller. J'ai terminé et ça a été pour moi une découverte. Deadly Premonition, Origins. Donc, le premier. Deadly Premonition, mais qui vient de sortir récemment, là, il y a quelques mois, sur Switch. L'homme un peu derrière tout ça, son pseudo, c'est Swery, qui est un... Alors, je crois que c'est on peut plutôt le dire, un artiste japonais, parce que je crois bon, il fait principalement des jeux vidéo, mais il fait d'autres choses aussi, à côté, il me semble. Il faudra que je révise avec le Tokutoku qui a eu à son effigie. Alors, Deadly Premonition, c'est vraiment un jeu très unique. Le problème, c'est qu'il faut passer outre des graphismes qui sont peu séduisants. C'est pas très très beau. Et déjà à l'époque, quand c'était sorti, c'était pas très très très beau. Mais ce qui est assez fabuleux dans ce jeu, c'est que malgré ça, il y a une ambiance. Et je pense que c'est ça le plus important, c'est que il y a quelque chose qui se passe quand même. Ce jeu a un charme. C'est un jeu qui est très très très inspiré de Twin Peaks, la série télévisée de David Lynch. Ça transpire. C'est limite, ça pourrait être une adaptation vidéoludique de Twin Peaks. Ça raconte son histoire quand même, hein, qui lui est propre, Deadly Premonition, mais ça va très très loin quand même, la filiation, puisque on retrouve exactement le même contexte, un meurtre un peu unique qui se passe dans une ville paumée à la campagne américaine. Une ville qui se meurt petit à petit, parce que notamment l'industrie forte du coin qui faisait vivre un petit peu économiquement la ville est une entreprise de série qui est sur le déclin, comme dans Twin Peaks. Et ce qui est fascinant de voir, c'est que le meurtre qui lance l'enquête de Deadly, comme dans Twin Peaks, amène tout un chamboulement dans la ville, puisque la femme qui est morte a été connue de beaucoup de monde, avait quand même un rôle important dans la ville, et on voit que voilà, maintenant que cette personne est partie, il y a des langues qui se délient, ça vient dérégler un petit peu ce petit monde social. C'est aussi une caractéristique qu'on trouve dans Twin Peaks et qui est assez fascinant. C'est un jeu qui, pareil, arrive à saisir ce que fait Lynch de manière générale et le fait à sa sauce. C'est d'arriver à retranscrire un sentiment d'étrangeté constant. Alors, bon, déjà dans l'ambiance, mais même dans les dialogues. Dans Deadly, les répliques sont étranges par moments. Presque, on aurait l'impression que c'est mal écrit. Mais je pense plutôt que c'est fait pour être dérangeant. Des fois, on a l'impression que ça tape à côté. Un personnage répond à l'autre, on se dit, ouais, ça paraît maladroit, ça paraît grossier. Et t'as toujours cette musique à la con là, de guitare qui imite une musique assez troll, qu'on pourrait trouver troll sur Internet, qui embellit tout ça. Là où j'étais surpris, parce que je l'avais un peu fantasmé ce jeu, avec les témoignages que j'en avais eus, c'est un jeu qui est linéaire. Je pensais que c'était un jeu qui était complètement ouvert, et en fait pas du tout. L'enquête principale, on suit un fil rouge. On a tout un ensemble de quêtes secondaires que je suis passé à côté de plein. Il faudrait que je le refasse d'ailleurs pour pouvoir toutes les faire. Où là, il faut arriver à caser les quêtes secondaires dans l'emploi du temps de la quête principale. Parce que ce jeu a une dimension, ce qu'on appelle immersive sim. C'est-à-dire qu'il arrive, il essaye de simuler un petit peu, de manière assez réaliste, son contexte. Et là, son contexte, c'est une petite ville américaine à la campagne. Donc, chaque PNJ important a une routine. Et d'ailleurs, sur la carte, on peut les voir. L'un va travailler, il va en son lieu de travail. Le vieux grand-père promène ses enfants en forêt. Et à heure régulière, ils ont chacun leur planning. Et du coup, on peut complètement s'amuser à prendre en filature n'importe quelle personne qu'on suspecterait. Par exemple, voir si elle ne ferait pas des choses louches dans la journée. Il faut gérer la faim, il faut gérer le sommeil. Enfin, il y a pas mal de détails comme ça qui sont faits pour vraiment s'immerger dans l'enquête, dans l'histoire qui nous est racontée. Et au début, c'est un peu austère, mais quand on comprend un petit peu voilà, les mécaniques, qu'on arrive à se caler sur ce rythme un peu journalier, c'est assez plaisant. Pareil, la conduite. Alors, au début, je pensais que la conduite était vraiment... raté parce que la voiture, on a l'impression qu'elle roule sur du savon constamment et c'était injouable. Et en fait, j'ai réussi à conduire dans le jeu quand je suis passé en vue cockpit, c'est-à-dire à travers les yeux de mon personnage, donc une vue qui était très réaliste. Et là, la conduite était nickel. Donc ça va jusqu'à ce niveau-là d'essayer de simuler un petit peu la réalité. Finalement, le gros point noir de ce jeu, c'est il y a une réalité un peu parallèle, un peu comme dans les Silent Hill, où on affronte des sortes de monstres. Et les gunfights sont pas très plaisants. Déjà, la caméra, ça reprend l'idée de Resident Evil 4, c'est-à-dire un personnage statique. On a la caméra au niveau de son épaule et on vise comme ça, on a un curseur pour viser les ennemis, mais le personnage nous gêne dans le champ de vision pour tirer. Bon, voilà, les armes, il n'y a pas de patate dans les armes, et puis c'est très répétitif, ces phases-là. Parce que les affrontements sont pas plaisants et si on n'affronte pas les monstres, on a des phases avec des quick time events, donc on nous demande d'appuyer sur des boutons rapidement et ça se répète. C'est un peu dommage, mais ça reste une sacrée aventure quand même. C'est un jeu qui parle entre autres du traumatisme. Je peux pas en dire plus, sinon ça en dirait trop. Mais ouais, c'est à faire. Mais voilà, c'est renseignez-vous avant d'y aller parce que il faut arriver à faire pas mal preuve d'abnégation, je pense, pour pouvoir rentrer dans Deadly. Peut-être que le 2 qui a été annoncé et qui est prévu sur Switch sera plus accessible, je pense. Déjà graphiquement, il a choisi un parti pris un petit peu plus cel shading, un peu plus cartoon dans les couleurs et dans les graphismes, qui va le rendre plus agréable à regarder. Espérons qu'ils rendent un peu le gameplay un petit peu plus souple et plus agréable et c'est bon, le jeu pourra essayer de convaincre un plus grand nombre. Là, le 1, ouais, c'est quand même une épreuve, mais on s'y prend au jeu. Voilà, du coup, j'ai joué tous les soirs en rentrant du travail, à faire ma petite enquête du jour ça c'était quand même, enfin, ça m'a pas laissé indifférent, en tout cas, Deadly. Ouais, c'est un jeu que je referais bien sur Switch parce que, enfin, tu te rappelles, on avait fait le début sur PC, mais simplement le début. Ouais. Mais vu qu'il est sorti sur Switch et que c'est un jeu quand tu n'as plus trop le temps, bon là en confinement, à mon avis, si tu travailles pas, t'as le temps. Mais à l'extérieur, enfin, quand tu travaillais tout ça, avec la Switch qui te permet de mettre en veille à n'importe quel moment ta console pour reprendre ta partie, c'est un jeu là que je me referais bien que pour le continuer de façon un peu plus posée. Ouais, par contre, si tu le veux, alors il est en démat sur le Nintendo eShop. Si tu le veux en physique, à mon avis, ça va être difficile parce que c'est un petit éditeur qui a fait une version cartouche. Je sais pas actuellement où est-ce que. Moi, j'en suis passé par la boutique indépendante dont je parlais à Narbonne, qui a réussi à récupérer un exemplaire en physique. Je ne sais pas si Internet, à combien on le trouverait. Tu vois, parce que je crois que ça a été un petit stock en cartouche. Mmh. Donc voilà, à toi de te renseigner. Mais si tu vois les prix en cartouche trop chers, abat-toi sur la version des maths. C'est pour la Switch, parce qu'après, il est plus facilement trouvable en version physique sur les autres plateformes, oui. Sur PS3, ouais, et oui. Je crois qu'ils sont sortis sur 3.6 aussi. Bien entendu, si jamais vous voulez la... Vraiment, pour la Switch, ça a été un peu confidentiel, la sortie. Mais ça a été d'ailleurs très étonnant que, d'une part, que le jeu soit réédité, et surtout qu'ils annoncent la suite, parce que, comme tu le disais, Premonition, c'est plutôt confidentiel comme jeu, ça n'a pas fait un grand succès, déjà commercialement, mais en plus, même la critique a été extrêmement divisée sur ce jeu-là. Alors aujourd'hui, le jeu bénéficie tout de même d'une aura de jeu mal compris, justement, mais tout de même, quoi. Enfin, et du coup, le fait que Nintendo produise un Deadly Premonition 2, ça a été vraiment. Enfin, c'est parmi les trucs les plus étonnants qu'on ait pu voir cette année dans l'actu jeu vidéo, quand même. Ah, nous avons perdu une nouvelle fois Flo. Ah non, il revient. Ouais, ouais. Ça m'énerve au moment où, où tu parles, Vincent. J'ai été coupé. Ça a coupé quand tu disais bénéficier d'une aura. Je disais que oui, ça bénéficie d'une aura de jeu mal compris, et que donc c'était tout de même étonnant que le jeu trouve une production, une suite, qu'une suite soit produite par Nintendo aujourd'hui. Ouais. Ah, c'est produit par Nintendo. Ouais, non, je... attends, je vais vérifier, mais il me semble que oui. Hein. En tout cas, Suiri a monté son propre studio indépendant. Il a fait The Missing, qui est un jeu en 2D. Je vais pas m'aventurer à dire plateforme, mais en tout cas c'est un jeu en 2D, ça c'est sûr, dans lequel on incarne une jeune fille qui est, je crois, immortelle, et tu dois résoudre beaucoup de situations en la mettant à mort pour te débloquer de choses. Et voilà, il s'est fait kickstarter un autre projet. Par contre, je ne me rappelle plus du tout le nom de ce projet-là, mais qui a l'air intéressant, où tu contrôles une jeune femme et qui est une reporter. Je crois que ta mission, c'est d'enquêter comme ça. Mais tu peux, je crois que c'est que la nuit, t'incarner dans certaines vies animales. Tu peux devenir un chat, ce genre de choses. Et il y aurait deux phases dans le jeu, la nuit et le jour, qui a l'air intéressant. Et là, il a annoncé le Deadly Premonition 2. C'est extraordinaire que ça puisse exister, quoi. Et non, autant pour moi, c'est pas Nintendo, c'est Rising Star Games qui produit la suite. Ok. Alors, en autre jeu, qu'est-ce qu'on aurait si vous voulez vous lancer, ou alors moi j'en ai un. Pour continuer sur la Switch, je suis en train de me faire Blasphemous. Alors, c'est un jeu. C'est un Metroidvania-like apparemment, mais alors je ne m'y connais pas du tout sur ce genre de jeu, c'est absolument pas le type de jeu sur lequel je vais habituellement, qui tire son inspiration de Dark Souls. On retrouve la même mécanique des feux de camp. On va sur une zone, on a un feu de camp, et si on meurt, on retourne à ce feu de camp-là. Et il a aussi le même principe d'une histoire très nébuleuse, cryptique, dans laquelle il faut faire des liens de qui on est, pourquoi on est là, et qu'est-ce qu'on va y faire. Et la direction artistique, par contre, est magnifique. Enfin, il y a des... Bon, faut aussi avoir le cœur un petit peu accroché, si on fait Blasphemous, parce que c'est gore, c'est fait par des Espagnols. Et il s'inspire de toutes les légendes apparemment espagnoles, avec un catholicisme où le gore est poussé à l'extrême. Notamment, je pense à cette image, je sais pas si vous l'avez déjà vu, celle de la Vierge Marie avec plein d'épées plantées dans le cœur. Non. Bon, c'est une image qu'on retrouve dans certaines églises, et bien dedans, celle-ci est reprise. On a un personnage qui nous donne de la vie, et ce personnage a carrément des épées plantées dans le corps et s'en arrache une pour te donner de la vie. Sinon, on a la cagoule du pénitent, enfin son casque qui fait penser aux espèces de pénitents qu'on retrouve d'ailleurs à Perpignan lors de la Sanche. Je sais pas si Flo, t'as déjà vu ça. Non, ça non. C'est des espèces de bonnets qui font un peu Ku Klux Klan, dirait-on. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Oui. Tiens, tu vois, Ku Klux Klan, tout à coup, ça parle. C'est bon, ça fait bien. Donc voilà, qui fait penser à ça, on retrouve beaucoup de similitudes comme ça, des espèces d'églises énormes, de cathédrales, pardon, énormes, qui font penser à Dark Souls, mais Dark Souls s'inspire directement de ces cathédrales-là, donc voilà. Et c'est un jeu qui est... Alors, est-ce qu'il est aussi dur que Dark Souls? Bon, ça dépend des gens. Moi, j'ai mis un petit moment à m'y adapter, mais qui est vachement bien. Déjà, c'est pas un... tu n'augmentes pas ta force quand dans Dark Souls, c'est-à-dire tu augmentes un côté tes points de vie, un côté ta magie, etc. Ça se fait au fur et à mesure du jeu. Si tu découvres des pièces un peu secrètes, bah, tu vas trouver un truc pour augmenter tes fioles de vie, ou alors ta barre de santé avec cette femme qui a les épées plantées dans la poitrine. Ça donne vraiment envie d'explorer un peu plus cet univers-là. Alors, je ne l'ai pas terminé parce que je bloque sur l'avant-dernier boss qui me met une rouste comme c'est pas permis. Donc, j'ai fait une petite pause, mais c'est un jeu vraiment que je vous conseille parce qu'il est très bien pensé. C'est un jeu aussi, comme dans Dark Souls, dans lequel on peut se perdre facilement. C'est un jeu vraiment où vous allez sortir la carte tout le temps pour essayer de vous dire... où est-ce que je peux passer, quel lieu je n'ai pas visité, etc., etc. En sachant, comme dans Dark Souls ou Bloodborne, il y a des lieux où si on n'a pas tel objet, ça ne sert à rien d'y aller, il faudra revenir en arrière une fois qu'on a eu tel ou tel objet pour débloquer tel ou tel item ensuite. Donc c'est hyper compliqué, ça demande des allers-retours, mais si on fait le jeu d'une traite, il reste aussi passionnant pour ces ennemis qui sont bien pensés, qui donnent du fil à retordre aussi, le jeu est bien équilibré. Les musiques sont chouettes, et encore une fois, vraiment, la direction artistique, les cinématiques sont super, super bien fichues. Si vous pouvez voir, c'est dommage parce que les bandes-annonces jouent plutôt sur le côté gore du jeu, parce qu'on peut faire des finishes, enfin des fatalities aux PNJ qui nous attaquent, et c'est des trucs qui sont gore, tu le coupes en deux, tu lui exploses la tête, tu lui marches dessus, enfin, c'est un festival de la tripaille. Mais hormis ça, c'est un jeu qu'il faut... Je pense qu'il peut être intéressant à découvrir si vous cherchez un jeu difficile et à la direction artistique plutôt saisissante par certains moments. Il y a même un passage qui est... C'est un tout petit passage, hein, mais tu es tout en contre-jour, donc tu ne vois que la silhouette de ton personnage et tu as un combat qui s'active tout en contre-jour, comme ça, avec au loin cette espèce de cathédrale et d'arbres géants sur un décor jaune-orangé. C'est vraiment très, très, très beau. Et très mystérieux, bref, c'est un jeu que je recommande, même si là, je suis en train de bugger à l'avant-dernier boss. Alors, pour continuer, moi, je viens de finir Horizon Zero Dawn. Donc, c'est un jeu action RPG en monde ouvert, dans un très beau monde ouvert. On suit Aloy, donc une jeune chasseuse qui évolue dans ce post-apo où les créatures, en fait, sont des robots. Donc, ça reprend un peu des animaux préhistoriques. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ils sont assez agressifs, la plupart. Et il faut survivre dans ce monde-là c'est un peu un parcours initiatique, en fait, pour cette chasseuse où elle est paria, en fait, et il faut qu'elle réussisse à intégrer des clans. C'est un petit peu des tribus très différentes. Et elle est rejetée au début, donc voilà, il faut évoluer dans ce monde-là. C'est un jeu très sympa, avec un monde ouvert très agréable à regarder. Il y a vraiment des belles surprises. Le scénario est top, vraiment, je l'ai trouvé qu'il y avait un super discours. Justement, on peut parler de Death Stranding sur l'écologie. Là, j'ai trouvé que c'était justement un jeu qui en parlait très très bien. Et aussi, qui a un discours important sur la religion, qui est très très critique. Et ça c'en est même drôle à certains moments. Voilà, et c'est Aloy, donc un personnage féminin. Il n'y a pas de choix entre personnage féminin ou masculin. C'est à noter, même si elle ne le crie jamais, ce personnage ne le crie jamais et n'a pas besoin de dire que c'est un personnage féminin pour exister, ce qui est à noter aussi en ce moment. Et mis à part quelques bugs, j'ai appris à vivre dans un cactus, hein, faut le dire, dans un cactus et dans un rocher à certains moments. Mais ça peut bloquer un peu à certains moments, mais sinon c'est un super jeu avec une très belle histoire. Voilà, donc je recommande aussi. Oh, je soulignerai qu'elle vient de dire que Hideo Kojima avait mal. Voilà, Je veux pas créer. T'avais mal quoi, ça? J'ai pas dit ça. De polémique, hein, mais voilà. Répète ce que t'as dit, j'ai pas. Elle vient de dire que Hideo Kojima avait mal écrit son scénario, si écolo que ça. Non, ça, c'est ce que toi, tu interprètes, nuance. Oui, ce que je dis est vrai parce que je le dis. C'est comme ça que ça marche sur Internet, non? Ah, oh, voyons. Ah là là, je rebondirai pas à cette provocation. Hein. Ben, Horizon, c'est pareil, ça fait partie de ce dont j'attends la sortie sur PC maintenant. Je l'avais pas fait sur PS4 à l'origine, ou elle n'avait pas encore été annoncée sur PC, parce que ça me parlait pas plus que ça. En fait, les gens m'ont ouvert, je suis moins tenté par ça actuellement. Et aussi parce qu'en fait, j'avais vu sur internet un comparatif entre Zelda Breath of the Wild et Horizon. C'est un comparatif complètement con, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, ça donnait pas très envie de jouer Horizon, parce qu'en fait, il te compare en fait les différences d'interaction. Le réalisme de l'univers des deux jeux. En fait, par exemple, dans Zelda, quand tu tires une flèche enflammée quelque part, le terrain va se mettre à s'embraser progressivement. Quand tu vas sauter dans l'eau, tu vas avoir des éclaboussures. Quand tu vas couper des herbes, elles vont réellement se couper. Enfin, quand tu vas donner des coups d'épée dans la nature, l'herbe va se couper, etc. Alors que dans Horizon, c'était à chaque fois des actions presque sans conséquence. Tu pouvais tout faire, ça n'avait aucune incidence sur l'environnement qui était autour de toi. Et du coup, ouais, ça m'avait après, pas... Après, si on fait ça sur tous les mondes ouverts, ça donne pas envie de les faire. C'est vrai qu'il y a un avant et un après Zelda, par contre. Mais... Voilà. Non, mais de toute façon, aussi, dans Zelda, c'est censé de faire ça, de pousser le réalisme jusque-là, parce que le game design de Breath of the Wild se base sur le fait que le jeu est composé de règles physiques, mécaniques, et que tu dois user en fait d'ingéniosité pour en découvrir tous les usages qui vont te permettre de résoudre les donjons de manière différente, alors que c'est pas exactement le concept de Horizon. Donc ça n'avait pas lieu de pousser le réalisme jusqu'ici. Mais du coup, j'attends sa sortie sur PC, j'en ai entendu que du bien, et je suis vraiment curieux de voir ce que ça donne en définitif. Ouais, moi je suis pas très d'accord avec Zelda, mais bon... Ah ouais. Pour moi, c'est plus du bullshit marketing qu'autre chose, tu vois, ce genre de... Enfin, c'est des phrases de marketeux avant la sortie du jeu qui disent que tu dois utiliser le jeu comme ça, mais en vrai, tu l'utilises pas comme ça, le jeu. Enfin, t'as très peu d'éléments qui te permettent de faire la pratique, cette pratique qui est faite. Enfin, c'est souvent le cas dans les jeux, j'ai l'impression. Enfin... Bah, y a eu beaucoup de gameplay émergent dans Breath of the Wild. Il y a plein de runs différents, de façons de réussir les donjons. Qui ont pu être démontrés par les joueurs. Ouais, en fait. Mais bon, enfin, tu fais vite, vite le tour des différentes possibilités, ou alors c'est des trucs complètement, c'est des trucs un peu complètement éclatés de use bug ou de phases un peu chelou. Enfin, pour moi, c'est pas, parce que ça me faisait penser un peu à ce que j'avais entendu dans la presse avant la sortie du jeu, et j'ai pas du tout retrouvé ce que le jeu disait, quoi. D'accord. Bon, bah, Victor, t'es viré, hein. Et c'est souvent ça. En fait, pour rebondir un peu sur ce truc, j'entends ça tout le temps. J'ai entendu pareil quand j'ai commencé à jouer à Albion. J'ai entendu ça sur Divinity 2 Original Sin. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. C'est on promet une certaine liberté aux joueurs à chaque fois de... vous allez voir, notre jeu, il est révolutionnaire parce que vous allez pouvoir faire plein de trucs que vous pouvez pas faire dans les autres jeux vidéo. Vous allez pouvoir avoir plein d'interactions possibles, différentes, super complexes et tout et tout. Et au final, tu te rends compte que tu fais 2-3 interactions, puis tu vois que c'est pas si compliqué que ça, et que t'es là en mode bon bah ouais. Ouais, ouais, mais c'est marrant, mais la liberté, elle est pas si présente que ça au final, quoi. Ouais. Après, pour moi, ça pose une autre question. Bon, déjà, effectivement, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire on nous fait fantasmer des systèmes un peu complexes d'interactions possibles, et finalement c'est très limité. Mais pour moi, l'autre souci, c'est que c'est encore très nouveau, je trouve, dans le jeu vidéo, d'avoir des systèmes qui permettent autant d'interactions et d'avoir ce fameux gameplay émergent. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment l'habitude de jouer à ces jeux-là. Et du coup, d'avoir l'imagination pour vraiment l'exploiter à fond. C'est vrai aussi. Et ce qui fait que, bah oui, finalement, ces systèmes-là, même s'ils autorisent pas mal de liberté, bah, en fait, on n'en exploite qu'une partie parce qu'on ne pense pas à combiner ça, ça et ça, tu vois, et du coup, ça peut marcher. Il y a, on avait parlé d'un, je ne sais plus quel DLMAD, mais ça m'avait beaucoup marqué dans un... Je crois que c'était une conférence du Sunfest où il revenait sur la science-fiction, le courant de la science-fiction ou autre. Et à un moment donné, c'était venu à parler de Deus Ex, Human Revolution. Et en fait, chacun parlait des deux voies possibles qui étaient soit la voie plutôt infiltration, soit la voie plutôt action dans le développement du personnage qu'on joue. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit, mais on peut aussi faire le jeu sans vouloir améliorer son personnage principal. Mais c'est juste que le jeu ne te le propose pas explicitement comme une troisième voie. Il faut vraiment que ce soit le joueur qui se dise « Non, moi, je ne vais pas augmenter mon personnage. » Et à ce qui paraît, le jeu s'adapte à ça. Il y a certains boss fights qui sont faits pour que même si tu n'as pas ton personnage amélioré, que tu puisses les faire. Et comme, je ne sais plus quelle intervenante le disait, il fait « Mais c'est dommage que cette troisième voie-là ce soit limite un easter egg, c'est-à-dire un truc caché. » Mais c'est pas que c'est caché, c'est juste qu'on n'a tellement pas l'habitude dans un jeu qui propose ce qu'on appelle du RPG light, c'est-à-dire un système de progression de personnages, on n'a pas l'habitude de se dire « Ouais, mais moi, je vais jouer sans améliorer mon personnage. » Tu vois ? Donc, à mon avis, il y a toute une nouvelle manière de jouer aux jeux vidéo pour pouvoir exploiter ce genre de liberté. Et ça se fera avec le temps. Et il faut des jeux comme Zelda qui soit frontal par rapport à ça. Ouais, c'est rare, d'autant que, enfin, l'une des raisons qui explique cela, c'est que quand tu mets de l'argent dans une feature, bah en fait t'as pas envie que les joueurs y passent à côté, quoi. Forcément, ouais. Tu le mets en avant, en fait, parce que sinon, si tout le monde, par exemple, ça serait pas arrivé, même si les gens avaient été au courant que c'était possible, enfin, s'en étaient rendu compte et tout ça. Mais supposons que tous les joueurs avaient joué à Deus Ex sans augmenter leur personnage. Ça veut dire que t'as foutu des tonnes de fric dans le développement de l'amélioration de Adam Jensen pour rien, quoi, en fait. Mais je suis d'accord avec toi, et ce sera vraiment un schisme pour que le jeu vidéo puisse aller dans cette direction-là et l'assumer, c'est de dire il faut que les développeurs acceptent de créer du contenu, ouais, pour lequel le joueur est susceptible de passer à côté. Ouais. Et que ce soit pas considéré comme du gâchis. Tu vois, c'est-à-dire non, le joueur joue comme il veut. Et si jamais il y a tout un pan qu'il ne voit pas, tant pis. C'est comme ça. Mais là, je suis d'accord avec toi. Là, il y a vraiment chaque chose est comptée. Donc, il faut qu'il voit le maximum de choses. Mais oui, mais du coup, on reste enfermé. Comme on mais, est actuel. Tu vois. C'est aussi parce que... Alors, compliqué pour moi parce que encore une fois, je n'ai pas joué à Breath of the Wild. Je vais encore jouer aucun jeu de la vie. Mais les features dans Deus Ex, par exemple, comme... dans Infamous, pour prendre un autre jeu au pif, les capacités du personnage que tu développes, à chaque fois, elles sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire que tu vas choisir d'utiliser cette compétence-là, ou plutôt que celle-là, etc. Mais il n'y a aucune interaction qui est faite entre les différentes capacités du personnage. Alors que dans Zelda Breath of the Wild, il me semble que, au contraire, tu peux trouver une manière de combiner les différentes capacités de Link, en fait, pour résoudre des donjons. C'est ce qui fait que le jeu offre une certaine liberté aux joueurs et que bah, y a des donjons, tu y as accès librement, mais tu vas pas forcément en fonction des capacités, des équipements que tu as débloqués à un moment X, tu vas pas pouvoir faire tel donjon parce que tu n'as pas ce qu'il faut, mais tu l'apprends de façon empirique, en fait, de façon naturelle. Ouais. Voilà. Je sais pas, de ce que j'ai vu, j'ai jamais été bloqué, moi, sur des donjons perso. Oh bon, bah alors en plus. Eh ben tout ça à cause d'Horizon. C'est vrai, on dit comme quoi. Non mais je trouve que c'est intéressant quand même, cette volonté de promettre la liberté et tout. Enfin, c'est vraiment une récurrence, j'ai l'impression qu'on retrouve parce à chaque que, fois. Sur Horizon, Tiffen, t'as eu l'impression d'être libre de tes mouvements, plutôt d'être. Oui, c'est ça, tu es assez libre de tes choix, de comment tu veux agir. Il y a vraiment un côté aussi infiltration qui est très sympa. Tu peux jouer vraiment de cette façon-là. Entre les boss, des gros sacs à PV, donc faut quand même être patient si tu joues l'infiltration. Mais ouais, il y a une certaine liberté. C'est clair. Mais elle n'est pas totale. Victor ou Vincent, est-ce que vous avez quelque chose ? Moi, j'ai pas grand chose. Non, en fait, j'attends beaucoup Final Fantasy VII Remake, donc je sais que je vais y passer ma vie quand il va sortir, donc j'étais plutôt série ces derniers temps. J'ai essayé tout de même de. Voilà, je suis sur GTA V, la version PC, depuis des mois et des mois. J'avance assez difficilement parce que je trouve que, en fait, GTA a vraiment une écriture plutôt intéressante. J'aime énormément en fait cette idée que tu es à l'intérieur d'une satire en fait. Tu es à l'intérieur d'une ville, donc dans GTA V, c'est un versant encore plus frappé de la réalité de Los Angeles. Et tu es un personnage, un avatar qui peut faire tout ce qu'il veut à l'intérieur de ce truc-là. Et donc en fait, c'est une sorte de... T'es à l'intérieur d'un monde qui va mal et t'es un peu là genre pour mettre un peu comme le Joker dans Batman, t'es un peu là pour mettre le monde à feu et à sang, essayer de réveiller les PNJ du jeu. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les GTA, c'est un truc complètement nihiliste en fait. Bref, donc et à côté de ça, de toute façon, même l'écriture des cinématiques, etc. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Mais je m'emmerde quand même assez vite dans les GTA parce que la boucle de gameplay est trop visible pour moi. C'est-à-dire que même si dans GTA tu peux aller faire du tennis, tu peux aller faire du golf, tu peux aller dans les clubs de striptease, etc. Franchement, mais qui fait ça ? Dans GTA, surtout, la boucle de gameplay, c'est tu conduis, tu rencontres un personnage cinématique, tu conduis, tu vas flinguer des mecs, fin de la mission. Tu conduis, tu rencontres un personnage cinématique, tu vas flinguer des mecs. Et en fait, autant je trouve que la conduite dans les GTA, c'est vraiment, ça marche bien. Après, je suis pas du tout un expert des jeux de course, genre les simulations de conduite, etc. C'est pas du tout mon truc. Mais bon, ouais, je trouve qu'en tout cas, c'est le feeling de la conduite dans GTA fonctionne bien. Autant les gunfights, c'est non quoi. Les gunfights dans GTA, ça ne fonctionne pas du tout. Et puis, j'aime bien l'histoire de GTA, mais à un moment donné. C'est souvent des cinématiques qui durent des plombes, etc. Alors après, bon, c'est marrant de m'entendre dire ça alors que ma saga préférée, c'est Kingdom Hearts, mais bon, je sais pas. Je sais pas, ça me plaît dans Kingdom Hearts, ça me plaît pas dans GTA. Donc voilà, je traîne sur GTA et je pense que je vais encore traîner un long moment. Moi, ce qui m'a dérangé sur GTA, bon, c'est déjà les fusillades sont super lourdes, super lourdes, alors que c'est quand même le studio qui a fait Max Payne. Bah, ouais. Max Payne, quand même, les fusillades. Max Payne 3, hein, précisément. Oui, Max Payne 3, pardon. Et les fusillades de Max Payne 3 sont vraiment chouettes. Enfin, je me suis fait le jeu plein de fois et j'ai adoré les fusillades. Ton personnage n'était pas trop lourd. En plus, bon, t'as le truc de ralentir le temps quand tu sautes pour faire des trucs plein d'actions et tout. Mais aussi l'écriture que j'ai trouvée. En fait, il y a une dissonance ludonarrative dedans, à mon sens, qui est assez énorme. C'est dès le début du jeu, tu joues un personnage et il y a un quartier entier qui t'attaque. C'est pas un génocide, mais en tout cas t'es pas loin. Tu fais un carnage, tu tues tout le monde et la vie reprend comme si de rien n'était. Et là où ça devient dérangeant dans les c'est quand le jeu veut t'inscrire dans le quotidien. Ton acte n'a pas eu de réelles conséquences. Et je trouve ça très dérangeant dans l'écriture dans la mesure où tu veux inscrire personne dans le quotidien. Et en plus, même au niveau de l'écriture, je n'ai pas de pitié pour ces personnages. Enfin, je veux dire... Alors, c'est peut-être fait pour, mais j'arrive pas à m'engager dans cette histoire-là, bien qu'il y ait ces moments qui soient drôles. Je pense à Michael et sa fille qui veut faire une télé-réalité. Cette mission m'a fait... Mais après, comme tu l'as dit, Vincent, il y a une boucle de gameplay qui se répète et qui est assez lourde. Puis les tueries ne correspondent pas forcément au personnage. Là, celui dont tu parlais, c'est Franklin, ça, oui. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai pensé à ça aussi. Ouais, il est pas. Enfin, on le voit pas au début comme un type prêt à tuer tout son quartier, quoi. Pourtant, il le fait de manière très régulière et il n'y a pas de conséquences, ouais, comme tu disais. Mais oui, c'est vrai, ça aussi. C'est vrai qu'on peut y voir une forme de dissonance ludonarrative là-dedans. Cela dit, il y a un effort. Dans GTA V, puisque c'est pris en compte, par exemple, il y a une quête seconde, enfin non, une quête où j'incarnais Michael, je devais conduire mon fils, on devait aller faire un parcours à vélo. Oui. Bref, donc, et en fait, sur le chemin, évidemment, j'ai écrasé des gens avec ma voiture, et le gens en a tenu compte, et le gosse me dit non, mais vas-y, t'as vu, t'es un psychopathe, t'écrases les gens et tout. Enfin, c'est pas passé inaperçu à l'intérieur de la diégèse du jeu. Bah, pas tant mais... que ça, parce que ça reste dans le cadre du dialogue et après le scénario s'en fiche. Oui, mais c'est parce que, comment dire, GTA, bon, c'est un truisme, mais c'est un jeu vidéo. Et en fait, là où ça me dérange moins dans GTA que dans un jeu comme Uncharted, par exemple, c'est que pour moi, vraiment, GTA, tu es à l'intérieur d'une satire, c'est-à-dire que les choses les plus extravagantes peuvent se produire, ça ne choque personne. Parce que c'est tout à fait le concept. Les PNJ dans GTA... représentent en fait des personnes qui, dans la vraie vie, sont limite d'être des PNJ, quoi. C'est des gens complètement aliénés, en fait. Donc vraiment, pour GTA, ça me dérange beaucoup moins le fait que, oui, ils ne tiennent pas rigueur, en fait, en réalité, des tueries de masse que tu peux faire à l'intérieur du terrain de jeu. Là où, pour le coup, dans un Uncharted, ça me paraît plus dérangeant parce que effectivement, tu es à l'intérieur d'un univers qui n'est pas satirique, qui se veut dans une certaine mesure réaliste. Et là, ça ne fonctionne pas. Là, ça te sort du truc. Effectivement, le caractère de Nathan Drake ne correspond pas à ce qu'il fait à l'intérieur du jeu, en fait. Ouais, moi, ça m'a dérangé. J'arrive pas à m'impliquer dedans et vraiment, j'ai trouvé qu'ils sont trop longues. Enfin, qui sont trop longues parce que répétitives pour ça, ouais. Alors que par exemple un jeu comme Mafia 3 qui a été porté place publique comme étant long, répétitif au possible, etc. mais au moins déjà il y avait les fusillades sont dynamiques. Bon, l'intelligence artificielle est stupide, mais bon, soit. Enfin, tu peux faire des tas de cadavres. Le mec, il voit un cadavre, il fait « Hein ? Qu'est-ce que c'est ?» Il arrive, il regarde le cadavre, tu le zigouilles et tu fais ça à tout le monde. Mais ce qui, par exemple, m'a fait tenir sur Mafia 3, c'est l'excellente écriture du jeu. Vraiment, enfin, le jeu est hyper bien écrit. Je crois que c'est son point fort particulier. Bon, en plus des musiques quand même, du bon rock des vieux années du bon vieux rock des années 60. Mais l'écriture du jeu m'a vraiment fait continuer jusqu'au bout. Jusqu'à même vouloir le faire une deuxième fois pour bien profiter des éléments de scénario que j'aurais pu rater, en sachant que la radio fait vraiment corps avec la narration du jeu, puisqu'on a un personnage dans la radio qui a son importance. Mais GTA, j'ai pas réussi du tout à tenir au scénario, justement à cause de cette dissonance-là, et au fait que le jeu, j'ai eu l'impression que c'était un petit garçon qui essayait de dire « Eh, regarde à quel point je suis vulgaire et subversif. Eh, regarde, regarde. » Comme s'il essayait de me pointer du doigt à chaque fois. « Regarde ce que j'ai essayé de faire. Regarde, regarde, regarde. » Et j'ai trouvé ça lourd. Après, c'est un ressenti, mais c'est ce qui m'a dérangé, moi, dans GTA V. Ouais, alors, tu vois, pour moi, en fait, justement, c'est ce que j'aime bien. C'est à un moment donné, dans GTA, tu te lâches et tu fais les pires atrocités que tu peux faire à l'intérieur du jeu. Et je sais pas, ouais, moi je vois ça comme en fait une tentative d'essayer de réveiller un peu les personnages, les PNJ, les personnages qui peuplent l'univers du jeu. Je vois ça vraiment comme quelque chose de profondément nihiliste en fait. Et du coup, je vois du sens en fait au fait de buter des gens dans GTA. Non, mais c'est. Je l'avais jamais vu comme ça, tu vois. C'est intéressant. Après, comme tu disais. Au fond, les quêtes, c'est tu conduis, tu tues des mecs, puis tu reconduis pendant 10 minutes, puis tu retues des mecs. Au final, est-ce que ça serait pas un Death Stranding, mais avec de l'action? Je non, laisse méditer sur ça. Non, mais tu me plais quand tu me plais. Parce que je pense effectivement que Death Stranding porte un discours sur le jeu vidéo en général. Et en partie dans ce c'est pas parce qu'il y a Geoff Knickley dedans qu'il porte forcément un discours sur le jeu vidéo. Homo Ludens que tu es. Pour passer, alors Victor, je suppose que tu voudras peut-être parler d'Albi Online, non? Ça se passe bien ta partie? Tu veux parler du meilleur MMORPG communautaire qui existe? D'accord, il n'y a pas de souci. Parce qu'apparemment tu farmes comme... Tout à fait, je suis surtout un gros capitaliste. J'adore le système économique qui fait que je passe pas mal de temps dessus. Bah, en gros, c'est tout simplement un MMORPG en vue, qu'on appelle ça, 3D isométrique, je crois. C'est-à-dire, on voit son personnage d'en haut, et donc au niveau du gameplay qui ressemble un peu, on va dire, au MOBA style League of Legends, au niveau du déplacement. et donc qui est très sympathique parce qu'il pousse en permanence les joueurs à jouer ensemble. Et c'est quelque chose qui se fait de plus en plus rare, bizarrement, je trouve, dans les MMORPG actuels. Pour citer comme exemple, par exemple, Black Desert Online, auquel j'ai pas mal joué aussi et que j'ai abandonné parce que justement, il était beaucoup, beaucoup trop solo. On était beaucoup trop matrixé tout seul à farmer dans notre propre coin. Il y avait très, très peu d'interactions sociales. Et donc, je me prends pas mal à ce jeu-là, Albion Online, parce que justement, il favorise énormément le gameplay de groupe. Et donc, c'est cool de rejouer avec des gens. Surtout avec ce confinement qui fait que tout le monde est présent H24, qui fait qu'on peut pas mal discuter, on peut pas mal rester ensemble et tout. Du coup, c'est assez agréable comme expérience de jeu, même si tous les gamers doivent le voir en ce moment. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur les différents jeux. Du coup, ça peut engendrer un peu des modifications, des émergences dans le gameplay à cause de cette arrivée massive et soudaine de gens qui font que les règles entre guillemets ou les comportements habituels dans les MMORPG peuvent changer. Et donc voilà, j'ai trouvé ça marrant. Albion Online, c'est un jeu où on fait surtout des donjons, des raids un peu. Ça rappelle un peu l'époque Warcraft à l'ancienne. Et également beaucoup de PVP avec un PVP très hardcore parce que quand tu meurs, tu perds tout. Ah ouais. Du coup, il y a beaucoup plus d'enjeux dans un combat. On a beaucoup plus cette sensation de stress que tu pourras avoir dans d'autres MMORPG où bon, tu meurs, tu t'en fous quoi. En PVP, tu meurs, tu respawn à ta ville, enfin tu réapparais dans la ville où tu étais. Et puis, c'est sans conséquences. Là, les conséquences, elles peuvent valoir très très cher. Ah, si tu perds tout ton stuff, tu m'étonnes. Alors, je pense que c'est le DLMAD le plus long qu'on ait jamais fait à l'heure actuelle. Ah, mais il faut bien fournir du contenu. Ah bah oui. Est-ce que vous avez un deuxième jeu, tant qu'on y est ? Non. Parce que on va peut-être conclure encore sur DLMAD. Ne serait pas DLMAD sans son point Godwin. Parce que je suis en train de me faire Assassin's Creed Odyssey et... Ah là là là là. Et alors, souvenez-vous... pas. Assume, et tes actes. Souvenez-vous, Victor avait dit du bien de The Crew 2, hein, dans une émission. Non, The Crew 1, attention, j'ai pas parlé de The Crew 2. This is lot of fun. Ouh. Et en fait, alors je le prends pas comme un Assassin's Creed, je le prends juste avec le nom Odyssey, et bah c'est plutôt sympa, c'est pas mal écrit, les décors sont chouettes, en même temps Ubisoft excelle dans le level design, hein, faut dire ce qui est, il y a plein de trucs à faire, il est cool, vraiment c'est un bon light RPG, comme tous les RPG il a le problème du tu vois une montagne d'or, mais quand tu prends de l'or tu ne prends que 10 pièces d'or. Et là, tu fais, j'ai un petit peu besoin d'argent, jeu, alors donne-moi un peu plus, c'est une montagne d'or. Mais il est cool, alors le truc qui est dérangeant, par contre, c'est tu sens vraiment qu'ils ont fait des niveaux pour limiter le joueur dans sa progression. Que si tu n'as pas tel niveau, tu vas être obligé de faire un petit peu quand même des missions secondaires pour aller réussir à faire telle mission principale, etc., etc. Bon, soit, après, moi, dans le RPG, je suis le mec qui, dès qu'il voit un papillon voler, il part, il découvre une quête perdue au milieu de la montagne. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas fait 5% du jeu, là. Je crois que je suis perdu sur l'île de Delos. Le truc qui est dérangeant aussi, c'est que les niveaux, eh bien, même si t'as une capacité spéciale qui te permet de charger ton assassinat pour au moins enlever plus du 3/4 de la vie de certains personnages, le problème, c'est que c'est plus du 3/4, mais c'est pas la totalité de la vie. Et ça te flingue ton infiltration. Au niveau de discrétion, ouais, c'est sûr. Tu fais tout pour être discret, mais comme tu n'as pas le niveau assassiner ce personnage, ou parfois tu as le niveau, hein, mais il a une armure qui est trop grosse, donc il lui reste à la fin 2 PV, ce qui lui laisse le temps de se retourner, de hurler à la mort que t'es derrière cette fougère. C'est embêtant, vraiment c'est... Mais Assassin's Creed n'a jamais su quoi foutre de son côté infiltration. Bah, attention, là où ça... attention. Il n'en a jamais eu avant très longtemps. Là, je suis en train de me faire un marathon avec un ami. Ouais. On est en train de faire Rogue. Ouais. Il n'y a toujours pas d'infiltration dans Assassin's Creed. Donc, avant, c'était voilà. Par petites touches, tu sais, quand tu devais filer une cible, je me souviens dans les marchés, donc tu devais filer la cible en te mettant au-dessus et tout, puis tu devais la 16. Ouais, mais bon, non, mais ça a toujours été une blague. Là où ça a été le mieux intégré, après, je me suis arrêté à ce jeu-là justement dans la série, c'était dans Syndicate, où quand tu contrôlais la fille, Evelyn, je crois, je sais plus, il y avait des espèces d'usines. Et là, c'était entièrement en phase d'infiltration que tu devais buter les mecs. Et là, pour le coup, ça fonctionnait bien. Mais enfin, c'était une sous-quête à l'intérieur de tout un jeu, quoi. Ouais, non, mais c'est désastreux. De toute façon, je crois que c'est à partir d'Unity où on peut s'accroupir. Oui. Ce qui est quand même un mouvement très, très important dans les jeux d'infiltration, c'est de pouvoir s'accroupir. Moi, ça me rend fou quand... t'as un petit muret, tu dis bah ouais, si je pouvais m'accroupir, en fait le mec me verrait pas, mais je suis obligé de rester debout et de me faire voir. Ça marche pas. Alors Hitman s'en sortait très bien jusqu'à récemment, dans le fait que tu ne pouvais pas t'accroupir. Enfin si, tu pouvais t'accroupir, mais c'était tellement pas rentable dans les premiers que tu restais debout. Mais il y avait ce gameplay de caméléon où tu te déguisais, c'était comme ça que tu t'infiltrais. Mais hormis Hitman, je veux dire, s'accroupir dans un jeu d'infiltration, c'est aussi essentiel que de pouvoir viser dans un jeu d'action, tu vois, enfin, dans un jeu de tir. Donc, je crois que c'est à partir d'Unity, ouais, où il commence à y avoir une dimension d'infiltration, enfin. Et il me semble que c'est... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est à partir d'Assassin's Creed 3 qu'ils ont mis les fougères dans lesquelles tu pouvais te cacher. Ouais, ouais. Donc, comme tu dis, Vincent, les éléments d'infiltration ont tardé à arriver, ce qui fait que Odyssey... Ah, j'ai pas fait Origins après, donc je ne sais pas, je ne parle que d'Odyssey, là. Le fait de t'accroupir, d'avoir des fougères, etc., ça rend l'infiltration la plus complète, mais le problème, c'est que tu ne peux pas assassiner discrètement tous les personnages, alors que tu es le plus discret du monde. Et ça, c'est problématique. Mais deuxième point fort, autre point fort que j'aimerais trouver au jeu, c'est le fait de choisir un mec ou une femme. Et bah mine de rien, ça change ta perception de la chose. Alors ça n'a aucune incidence dans le scénario, en tout cas je suppose, il y a peut-être 2-3 lignes de dialogue qui doivent changer, mais voilà. Eh bien, je sais pas, ça fait du bien, je trouve ça un peu rafraîchissant. En plus le personnage est baraque de Cassandra, tu sens qu'elle te met une patate, tu te réveilles l'année prochaine. Et elle est bien écrite, elle est plutôt bien doublée. Et par rapport à au changement de sexe du personnage, alors moi j'ai pris Cassandra parce que le design de Alexios, donc le personnage masculin, est le même que tous les personnages masculins guerriers. Donc j'en avais rien à secouer. Donc j'ai pris Cassandra pour changer. Et le truc alors, c'est sûrement la concession qu'ils ont faite dans Odyssey, je ne sais pas comment on se place là Ubisoft, mais les relations homosexuelles sont très libres dans cette représentation de la Grèce antique. La femme paraît aussi très libre dans cette représentation de la Grèce antique. Mais c'est là où ça... Alors, ça bloque pas, évidemment. C'est peut-être une concession qu'ils ont faite pour le jeu et parce qu'ils n'avaient pas forcément envie de tout réécrire une histoire justement pour ça. Mais c'est que dans la Grèce antique, les femmes n'étaient pas si libres que ça. Et l'homosexualité, la pédérastrie, étaient vues comme une abomination. En fait, la pédérastrie était... grosso modo, je vulgarise, d'un maître à son élève, à un éphèbe, et dès que cet éphèbe passait en tant qu'homme, avait atteint la majorité, tu ne devais plus avoir de relations sexuelles avec lui, et l'éphèbe ne devait pas prendre de plaisir lorsqu'il se faisait sodomiser ou quoi. Et d'ailleurs, c'était pas possible d'inverser l'actif et le passif. Voilà. Et bah, d'ailleurs, tu fais très très bien de le dire, puisque les Grecs ne voyaient pas homosexuel, enfin, le terme homosexuel n'existait pas, c'était actif ou passif. Tu étais passif, tu n'étais pas viril, t'étais une femme, et t'étais une femme, tu devais rester dans le privé. Lisez Pierre Bourdieu, La domination masculine. Bref, et t'as toute cette dimension-là qui a été omise, sûrement consciemment, ou peut-être inconsciemment, parce que fallait une représentation fantasmée. Je ne porte pas de la pierre, c'est juste que quand tu lis ces trucs-là, le jeu participe à une certaine vision de la Grèce antique, qui d'ailleurs a été plutôt bien parlé dans la vidéo de Notabonnet sur les guerres du Péloponnèse en collaboration avec Ubisoft, qui est sympa d'ailleurs comme vidéo de Nota Bene. Et voilà, tu as juste ce petit truc-là qui change, et ça fait poser, à mon sens, la question du à quand peut-être un jeu où, si tu joues un jeu dans la Grèce antique, tu as cette représentation-là de la femme, c'est-à-dire tu es... Moins qu'un esclave, parce que c'était le cas hein, dans la Grèce antique pour beaucoup de femmes, elles étaient considérées comme moins que, enfin avec moins de valeur qu'un esclave. Sauf quelques. Voilà, exceptions. Sauf quelques. Pardon. Ça aurait été intéressant, oui, de partir de ce principe-là et de voir évoluer notre personnage avec tous ces regards portés sur elle, des regards qui sont pas forcément bienveillants, qui ne la voient certainement pas comme une guerrière. Ouais, donc ça aurait été un... Je ne sais pas sur quelle source ou quelle époque, peut-être qu'il y a une époque précise, etc., vu que la difficulté de l'historien et de la Grèce antique, généralement, c'est que les sources ne sont que partielles sur cette époque, et en plus reposent sur peut-être des copies de moines qui ont bien choisi de copier tel ou tel texte ou pas, et qui ont voyagé au fil des milliers d'années, chose que d'ailleurs que le livre de Naomi Alderman traite, à la fin de son livre, sur ses copies, sur cette vision que nous avons de l'histoire. Mais, en tout cas, moi, ça me fait réfléchir justement sur cette représentation-là de la femme dans la Grèce antique et la façon fantasmée que nous avons. Mais encore une fois, je précise que je jette pas la pierre, je dis pas c'est pourri, c'est nul à chier, hein. Au contraire, j'aime bien le jeu. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir sur la sexualité. Et justement, je suis allé me retourner ensuite sur l'histoire de la sexualité de Michel Foucault et d'autres bouquins de la sorte. Je trouve qu'il y a un autre truc qui marche pas dans ce jeu et dans les autres... C'est le retour à la réalité. En fait, on sort de la Grèce antique pour arriver au temps présent avec des chercheurs, des personnes qui sont en train d'explorer cet univers-là et de faire une enquête. Et je trouve que ça casse particulièrement le rythme du jeu. Ah, il continue ça, ouais. Mais non. Oui. C'est assez déstabilisant. Ah ouais, non, mais il faut qu'ils arrêtent, clairement. En fait, les passages à l'époque contemporaine, quoi, à notre époque, c'était intéressant quand c'était pleinement intégré, surtout prévu dans l'histoire, avec Desmond Miles, qui a terminé son arc avec Assassin's Creed 3 en 2012. Mais à partir de là, ils ont décidé de continuer ce délire dans le présent, mais de façon beaucoup moins assumée. Et donc, dans Assassin's Creed Black Flag, on contrôlait un personnage en vue à la première personne, on contrôlait un anonyme qui venait de se faire employer chez Abstergo, et donc on se baladait dans les couloirs d'Abstergo à la recherche de trucs, de machins, c'était chiantissime. Et puis je crois, ouais. Il me semble que dans Syndicate de mémoire, c'était remplacé plus que par des cinématiques, en fait. Et enfin, t'es là, tu dis non, mais bon, enfin, les gens, c'est que quand ils pensent à Assassin's Creed, ils pensent plus à Abstergo, ils s'en foutent, ils veulent juste être dans une époque, enfin, dépaysante, etc., et jouer l'assassin, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils se sentent obligés de continuer avec Abstergo? Je ne sais pas. Franchement, si c'est pour en faire ça, arrêtez. Ouais. Parce que c'est nul. C'était le cri du cœur. Non, mais c'est vrai, quoi. Après, c'est peut-être pour la base de fans d'origine qui mettent ce truc, mais enfin, par exemple, moi, j'ai eu envie de poser la manette au moment où le personnage sort de l'alibus. J'étais là, je fais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah oui, moi pareil, je me suis dit, c'est le moment de sauvegarder, je vais aller faire autre chose. Enfin, ça marquait vraiment une étape, j'avais pas envie de continuer avec ce personnage que je connais. Et le truc, c'est qu'en plus, si tu dis, ça va être super long, ça va être super chiant, j'ai envie de retourner interpréter Cassandra ou Alexios, selon le personnage qu'on prend, parler à Socrate, et t'as cette phase de jeu-là qui, en plus, bah, ne sert à rien parce que tu retournes à n'importe quel moment dans l'animus. Ouais, ça dure ouais, 30 secondes, il n'y a rien à faire. Pourquoi est-ce qu'on est venu couper la narration et couper le flow du jeu avec ça? Je viens de me souvenir, dans Assassin's Creed Révélation, c'est pire, tu contrôlais Desmond Miles dans une espèce de... Je sais pas, il était dans sa tête, il était piégé dans un entre-deux entre le monde réel et le monde de l'animus. Et en ouais, fait, c'est ça, ouais. tu devais résoudre des puzzles à la première personne. Et c'est là, mais... Ah oui, il fallait passer avec ces putains de cubes qui disparaissaient. Mais oui. Oh là là, quel enfer sur Terre. Non, mais c'est... En fait, l'animus, ça marchait bien dans les deux premiers. Le premier, parce que, comme tu disais, c'était inclus dans l'histoire et ça nous faisait vraiment vivre notre enfermement à Abstergo, parce qu'on comprenait bien qu'on était là contre notre volonté. Et il y avait ce côté aussi... on va essayer de comprendre où on est, donc récupérer le stylo du vieux là pour pouvoir lire ses mails secrets. Enfin, c'est ouais. ça marchait. Et dans le 2, là où c'était intéressant, plus que la phase Abstergo, c'était la récolte des symboles qu'il y avait dans la ville, mais qui était liée de toute façon avec la période contemporaine. Il y avait un côté que maintenant on trouve très facilement sur Internet, ça mettait en scène un peu les théories du complot, c'est-à-dire qu'on essayait de comprendre un peu ce que fait Abstergo, sauf que c'est tellement tentaculaire, que ce soit à travers l'histoire ou même dans leur implication dans la réalité, que le sujet, alors je sais plus lequel, le sujet 16 qui avait commencé un peu à relier les fils, faisait des liens entre ah oui, regarde, à la Seconde Guerre mondiale, il y a un tel qui a dit ça, et regarde dans sa main, on peut y voir la pomme d'Éden, et si jamais tu regardes tel événement historique, il y a ça. Et vraiment, c'est des choses qu'on voit très très facilement dans les théories les plus farfelues, slash complot sur Internet. Et je me dis, putain, ce jeu mettait déjà ça en scène au début des années 2000, et c'était plutôt pas mal comme effort. Et après le 2, putain, c'est à partir de Brotherhood, on se perd dans les limbes. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que tout cet arc-là, contemporain slash science-fiction, je ne sais pas ce qu'il en est dans ceux qui suivent, mais il n'a pas de conclusion. C'est-à-dire que on sait que... Dans le 3, attention, spoiler, c'est la fin du monde 2012. D'ailleurs, ça m'a surpris de faire une fin comme ça. Justement, on ne sait pas. On sait pas. Enfin, c'est un peu en suspens, la fin du 3 par rapport à tout ça. On sait que Desmond se sacrifie pour sauver le monde, mais c'est pas arrêté. Non, c'est pas arrêté, je te jure. Et moi, je me rappelle quand je faisais une Deltron, je dis ouais, putain, c'est cool, ça me donne bien envie pour la suite. Et y avait deux potes à moi qui me disaient non, mais à partir du 4, on part sur autre chose. Et il n'y a pas le. Ou si jamais ils en parlent des conséquences dans les suivants, c'est vraiment en filigrane. Et il y a vraiment un sentiment d'inachevé par rapport à Desmond et au contexte contemporain, ce qui fait que maintenant, on s'emballait avec celui de Black Flag, franchement. Parce que le truc qu'ils auraient pu faire, carrément, ça aurait été de terminer l'histoire de Desmond au 3, et ensuite, ils mettent, j'en sais rien, Origins, Assassin's Creed Story, un truc dans le genre, histoire de faire des trucs parallèles, si ça n'a plus rien à voir avec... Ou alors, carrément, faire une nouvelle licence, parce que je trouve que c'est un peu peut-être ce qui bloque Odyssey dans la prise de risque. Bon, après, Ubisoft ne prend plus trop de risques actuellement, mais... Oui. Voilà, depuis, on sent que Vivendi, ça a été un très lourd traumatisme et on arrête de prendre des risques. Mais s'ils avaient fait une nouvelle licence, peut-être qu'il y aurait eu plus de trucs encore. Tu sais, rajouter d'autres trucs, donc je sais pas. Bah, créer une nouvelle licence, je pense pas que ça aurait été nécessaire parce que vraiment, la formule de base, c'est-à-dire te plonger dans un pays à une époque intéressante, etc. T'as envie d'en voir plus en fait. À chaque fois, on a tous eu les fantasmes de la Grèce antique qu'ils ont fait avec Odyssée. On a tous envie de voir ce que ça donnerait en Chine médiévale, etc. Donc, ça encore, non, mais juste, je sais pas, essayer de prendre peut-être plus son temps pour développer chaque jeu et proposer des expériences un peu plus différentes et un peu mieux réussi tout simplement. Mais ouais, virer ce truc d'Abstergo absolument infâme. Et aussi, ça serait bien, j'aimerais beaucoup qu'ils remettent le mode multijoueur que j'adorais. J'ai jamais compris pourquoi ils l'avaient enlevé parce que je crois qu'il, enfin, vraiment, il était très apprécié et très joué. Bah, et ouais. Rappelle-toi, c'était l'époque où tous les jeux devaient avoir un mode multijoueur. Alors, oui, c'est vrai. Ce qui était intéressant, c'était que des jeux comme Assassin's Creed devaient vraiment innover pour essayer de trouver quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que God of War, c'était lequel ? Ascension. A un mode multijoueur. Enfin, je veux dire, on s'en bat les couilles à la base d'avoir un mode multijoueur d'un God of War. Mais c'était la norme. Il fallait que tous les jeux aient un mode multijoueur. C'est pour ça qu'ils l'ont fait, tout simplement. Ben ouais, mais pour le coup, c'était une... Comment dire, c'était une contrainte de production, mais finalement, ça apportait un vrai plus au jeu. Moi, j'achetais autant les Assassin's Creed pour avoir la suite de l'histoire du mode principal que pour le mode multijoueur, vraiment, et j'y jouais toute l'année, quoi. Ce truc de mode multijoueur imposé aussi, ça nous apportait quelques autres bonnes surprises, je trouve. Le mode multijoueur de Mass Effect 3 était honnêtement vraiment pas mal. C'était un mode horde tout à fait classique, mais qui fonctionnait bien. Et... Et puis il y avait le mode multi de Bioshock 2 aussi. Je sais pas si je dois avoir honte de le dire, mais franchement, je trouve qu'il était excellent. Après, Ubisoft prend pas des risques. Bah, dans un sens, oui, parce qu'ils sont en train de financer Beyond Good à niveau 2. Hein, on sait pas où ça va. En tout cas, ça y va. Ils savent pas non plus, hein, je te rassure. Ouais, je pense que personne ne sait, mais bon, voilà, c'est parti quelque part. Mais c'est vrai que Assassin's Creed, là où ils prennent pas de risques, c'est d'en avoir fait un RPG. C'est-à-dire en avoir fait un Witcher-like. Ce qui est dommage parce que, à la base, c'est un jeu qui met un contexte, voilà, un affrontement entre les Templiers et les Assassins. Mais putain, faites un vrai jeu d'assassin. En monde ouvert. Allez-y, je veux dire, regardez ce que fait Hitman et inspirez-vous de ça et développez-le. Moi, c'est ça que je fantasme. C'est plus ou moins le cas. Dans Odyssey, t'as un monde ouvert et ensuite t'as ta cible assassinée, ton dirigeant, etc. En plus, ils ont un petit système de bataille qui est sympatoche. Donc, si tu joues full assassin, bah, t'es un peu dans le caca, mais t'as ce système de bataille-là où tu dois aller assassiner tel dirigeant, casser les ravitaillements et ensuite participer à la bataille. Tu l'as, ça, déjà. T'as le dirigeant et ils te disent, vas-y, ouais, bon, après, forcément, t'as le truc des niveaux. Si t'as pas fait beaucoup de dégâts, tu pourras essayer de l'assassiner par derrière, il va se réveiller, il va faire là. Et tu. Enfin voilà. Ouais, je suis d'accord, mais quand je pense jeu d'assassin, pour moi, c'est collé à jeu d'infiltration. Enfin, tu vois, j'en ai rien à foutre de prendre des niveaux. Et si jamais il y a un arbre de talent, il faut que ce soit pour moi des variations différentes d'infiltration et pas un arbre action, un arbre infiltration et le troisième, je sais pas ce que c'est. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment à fond discrétion, que tu n'aies pas le choix. T'es un assassin, t'es pas un berserker à la base. Ça n'arrivera jamais, je pense, parce que oui, Assassin's Creed, de toute façon, ça a toujours été mainstream. Ça l'est encore plus aujourd'hui que par le passé. Et les jeux d'infiltration, c'est des jeux de niche. Tout à fait. D'ailleurs, le film Assassin's Creed était pas trop mal. S'en sortait pas si mal pour une adaptation, je trouve. Ouais, bah d'ailleurs, on en avait parlé, non ? Table ronde, d'ailleurs, organisée par toi, Vincent. Il me semble. Ah oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on en avait parlé finalement ? Parce que les extraits étaient tirés au hasard. Si, ouais. Je crois que j'avais posé une question et les... toi-même, me semble-t-il, avait répondu sur le jeu, enfin sur le film. Où, ouais, c'était, si ma mémoire est bonne, c'était. Il a le cul entre deux chaises. Mais en même temps, il essaie de faire un truc sympa. Parce qu'en plus, ils ont pris un très bon réalisateur à la base. Hein. Ils ont pris le. Qui fait de très belles images avec son chef-op. Mais tu sens qu'ils ont cuté beaucoup à certains endroits et qu'ils n'ont peut-être pas dû lui laisser la liberté qu'il aurait souhaité pour faire des bonnes grosses scènes d'action en plan séquence ou quoi. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et trop lié au jeu encore. Mais après, c'est peut-être la perception que nous, on en a vu qu'on a fait le jeu. Tandis que quelqu'un qui n'a pas fait le jeu, s'il faut, il aura juste vu comme un bon film ou comme un film moyen. Donc, c'est à voir. Bon, je pense que nous avons battu notre record de tchatch. Ouais, j'aurais un dernier petit truc à conseiller. Ok, vas-y, record battu tant qu'on y est. Voilà. Voilà, si on vous accompagne depuis 8h du matin. Ouais. On a fait plus que les deux hier. Ouais, plus que les tauliers, mais on battra jamais à Yenke. Le dernier objection dure 7 heures, donc on a de la marge avant de le rattraper. Et il est tout seul, pour préciser. Donc voilà. Non, en fait, je suis en train de suivre une rétrospective sur la série Resident Evil. Alors, je te ferai le lien de la chaîne, c'est Derek Strife, qui est vraiment une petite chaîne. Hein, très amateur, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, bon, il parle de chaque jeu de la série des Resident Evil. Il repose un peu le contexte dans lequel est sorti le jeu, le contexte de développement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il démystifie pas mal la figure de Shinji Mikami. Parce qu'on a l'impression que c'est Monsieur Resident Evil. Voilà, c'est comme ça que c'est raconté, c'est lui qui a tout fait. Et en fait, il le remet à sa position de producteur et voilà ce que ça a impliqué vraiment dans le développement. Et finalement, on s'aperçoit que ben, y a pas que lui en fait qui a fait Resident Evil, il y a d'autres personnes qui ont bossé dessus et du coup, il parle de ces autres personnes-là. Pour ça, il s'appuie sur des interviews, vidéos, écrites, sur des ouvrages qu'il a lus qui parle de Resident Evil. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est... Alors, je pense que c'est un contact à lui qui a traduit les versions japonaises, mais il compare aussi les différences de traduction qu'il y a entre la version japonaise et la version occidentale, pour voir à quel point la traduction occidentale a vachement... a rendu le scénario très manichéen de Resident Evil, alors que c'est un petit peu plus fin que ça dans la version originale, bien souvent. Et c'est intéressant à suivre. Donc voilà, je filerai le lien pour aller voir cette. Si la série vous intéresse, je pense que ça vaut le coup d'être regardé. Eh bien, ouais. On retrouvera tout ça dans la description si personne a quelque chose à rajouter. Alors, concernant Resident Evil, allez, c'est reparti pour 4 heures, on s'arrête d'enregistrer à 23h. Et bien sûr, merci à toutes et à tous. Oh mon dieu, Victor, arrêtez de jouer à Albion Online. Ah, je suis assez juste. C'est la fin de l'émission. Le gars, ça s'agit. C'est ça, le gars, il s'arrête à la fin de l'émission. Je me suis dit, s'agit. Je vais allumer ma play maintenant. Quoi, ça y est, t'es vraiment en train de jouer en plus à la play. Chut. Moi, j'ai pas de play, moi, tu crois quoi? Moi, j'ai qu'une Switch. Tu es un homme de goût, monsieur. Bah, sur ce, bah, merci à vous si vous nous avez suivis jusque-là. Voilà, donc peut-être que nous referons cette émission, Cyril, le confinement dure, une émission un peu plus détendue, où nous n'avons pas de limite de temps et où on tchatche, on vous tient compagnie pour une durée, ma foi, fort importante. Renouvelable. Fort importante, on espère que cette émission vous a plu. Merci, mesdames et messieurs. Retrouvez évidemment le podcast sur PodCloud et apparemment on est aussi référencé sur PodCloud, sur Google Podcast, pardon. Donc retrouvez-nous sur les internets, sur le site Causons Pixel aussi. Merci à toutes et à tous. On se retrouve eh bien, le mois prochain si on ne peut pas sortir de chez nous. Sur ce, faites très attention à vous en ce moment et restez critiques envers le pixel. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.